killers on the helmets. Legacies, family, way see. Penny, pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet you bandit. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta. Twisted to lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacy, family. Why is it family? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then the bullet you family. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta. Twisted up lean and shoot, sipping fountain. Credit cards and the scammers. Wake up beside you, let it sound. Over to Lattice shoot. They be acting rent, I know we clapping shoot. I be pulling my stuff in the finest shoot. I got plenty of stuff in Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, fountain. Why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime and gorilla. They come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest. No niggas, they come and kill you on the comma. The rolling is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of the money. No killers, pull up in the end of rape. CTD, pull up in the killer, baby. Call a filler, pull up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I flood the bombs when he spinning. The Bobby be trending. Chop the dawn, doing business. In the rape, doing the blue, and I'm doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas completed. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacy, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is he panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your bandit. Hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Soir, soir de 21h à minuit. What the fuck? Sur Skyrock. Et sur Skyrock, c'est parti pour la plus grande radio libre de France. Passez une bonne soirée, un bon mercredi soir. Avec Difool et toute l'équipe, on se refait tout ce qui a déchiré cette saison de 21h à minuit, tout l'été, du lundi au vendredi sur Skyrock. J'ai des cadeaux à vous offrir avant minuit. La roulette va tourner avec à l'intérieur le spectacle exclusivement pour vous, les auditeurs. Du Whoop avec Mister V et toute son équipe de comiques youtubeurs. C'est avec un petit SMS qu'on s'inscrit maintenant. Roulette, vous l'envoyez au 72020, roulette au 72020. Et avant minuit, quelqu'un d'entre vous va être tiré au sort et passera à l'antenne avec moi pour crier stop et décrocher vos places pour le Whoop. C'est Skyrock et la sécurité routière qui vous offre ce spectacle qui déchire. On va faire plein de choses ce soir, le super clash, ça va pécho chez les familles avec Cédric et Romano, deux doubles appels aussi en préparation. On va mettre en contact les familles dans tous les sens. On aura aussi Fares au téléphone, il est chauffeur Uber, il s'est tapé une cliente mais pas la plus jeune. Il y a aussi Steven qu'on aura en ligne avec nous, il a un peu craqué, il veut devenir chasseur, mais chasseur d'un truc un peu particulier. De quoi s'agit-il? Restez bien sur Skyrock. Pénélope aussi, assez aperçue qu'elle connaissait pas si bien son mec que ça. Et pour attaquer l'émission maintenant, c'est Benjamin qu'on prend au téléphone. Il est dans le 81 du côté d'Albi et il kiffe quelqu'un au bahut, mais c'est pas une élève. On découvre tout ça tout de suite avec Difool et toute l'équipe. Radio Libre sur Sky jusqu'à minuit. Bonjour Benjamin. Salut Benjamin. Salut Benjamin. Bienvenue à toi. T'as 15 ans donc t'es un albigeois. Ouais, c'est ça. Bon, alors Benjamin, dis-nous pourquoi tu nous appelles. Ça a un rapport avec le bahut, toi en plus. Hein. Ben moi en fait, j'aimerais bien serrer une surveillante de mon bahut. Ah bah bon courage. Qui c'est qui est tombé amoureux ou amoureuse d'un surveillant, d'une surveillante ou d'un prof ou d'une prof ou d'un CPE, d'une CPE, d'un, pourquoi pas, d'un proviseur ou d'une proviseuse? Ah non, moi du gardien. Non, jamais. Ah non, non. Non. Non. Toi, ah, mais quand même pas, quand même elle pas. A quel âge? Parce qu'il y en a plein qui posent, qui, c'est vrai qu'on n'a pas posé la question. Elle a quel âge cette surveillante? Elle est jeune, elle a entre 19 et 20 ans, je pense. Ah ouais, donc vous avez que 5 ans d'écart. Ouais, mais bon. Ça va. Ouais, voilà. Bah oui, mais c'est à 15 ans. Après, est-ce qu'une meuf de 19-20 ans va sortir avec un gars de 15? Et surtout son élève. Il y en a d'autres qui sont comme toi là. Eh ben écoutez, merci à Théo qui vient de nous envoyer un message, qui lui est tombé amoureux de sa prof de sport parce qu'elle est trop bonne, surtout quand elle est dans son survêtement. Ah ouais, ouais, pourtant j'ai. Tu dois bander dans ton jogging quand t'es en sport, Théo. Elle ne peut pas, détournement de mineur, nous dit Dim Dim. Ah ouais, bah c'est oui. Pas le seul d'ailleurs. Dim Dim nous laisse un message, mais également Youssef sur SMS qui nous dit il peut y avoir des détournements de mineurs parce qu'elle a 20 ans et qu'il en a 15. Non, mais en plus c'est aggravé parce que. Aggravé. Non, mais c'est vrai, c'est comme un prof avec une élève, parce qu'en plus des détournements de mineurs, il y a le fait qu'il ait de l'autorité sur toi, c'est encore. Pour elle, c'est encore plus grave en fait. C'est vrai, on a dit ça. Ouais, ouais. Il y a Charo du 44, moi dans mon bahut, il y a une meuf, elle est trop bonne, j'aimerais même la faire. Bon, dis-nous si c'est une surveillante ou pas, si vous êtes tombé amoureux au bahut, dites-nous. Et tu voudrais. Ah, moi je serais toi, je me rabattrais sur une meuf de ton collège, mais en tout cas pas de surveillant quoi. Et avec toi elle est comment cette surveillante là, parce qu'il faut étudier quand même. Avec moi justement, ouais, je suis un peu son chouchou et tout. Parce que t'es sympa. Mais physiquement tu fais quel âge toi, Benjamin? Parce que t'as 15 ans, mais tu fais quel âge physiquement? Tu fais plus grand? Moi je suis plus grand, je suis plutôt grand. Ouais, mais d'accord, mais mesure combien par exemple? Moi j'ai un ami, il mesure 1m54, ça le fait. Ouais, bah il a 21 ans. Moi je mesure 1m90. Ah ouais. Ah ouais. Non mais ça veut. Non mais. Ah non mais Romano, méfie-toi. Mais elle... bien sûr, ça ne change absolument rien puisque dans tous les cas, elle sait que t'es en troisième, donc elle sait que t'as 15 piges. Évidemment. Ouais, ça oui. Mais je suis pas chauve hein, moi. Oui, non mais ouais, à 15 ans. Pas chauve. Tu fais bien de préciser. Excuse-moi de te le dire, mais j'étais blonde alors. Romano, c'était fait une teinture. Déplacée, Benjamin, tu peux te les garder. Bah, tu t'es fait traquer. Je vote pour toi au clash. Ah merci mon pote. Imagine Cédric, tu arrives demain avec des mèches blondes, il arrive dans le studio comme ça. Salut les filles. Ah non, t'es fou toi, mais jamais. Je suis blonde. Est-ce que vous êtes en kiff sur des profs? Je suis en kiff sur ma prof de français. Genre c'est une bonne milf. Mother like to fuck. C'est Playvolt qui nous laisse un message de l'Ille-et-Vilaine du 35. Il a 18 ans. Je me suis déjà tapé un prof de maths, ma prof de maths, c'était un sacré coup, c'est Mi88 Tony qui a 23 ans et qui nous envoie un message. Tu vas peut-être te rappeler Mi88 Tony, dit, tu vas nous expliquer comment tu t'es tapé ta prof. C'est pas un film lui. Bah, on va vérifier, ça ouais, tu sais Romano. Je mettrai en marche mon mythomètre. Ouais, c'est ce genre d'histoire, chelou quand même. Bon non, mais ça doit arriver hein, dans. Tiens Cédric, vas-y, dis-moi que tu t'es tapé de lesbienne, on va voir si le mythomètre. Oula, ça crie derrière Benjamin. On va voir si le mythomètre est en marche et fonctionne. Ah, je me suis déjà tapé deux meufs qui étaient bi, quoi, en fait, les mecs étaient en couple. Ah, là, ouais, ça y est. Alerte, Cédric, le mythomètre. Ah, ouais, il y a marche. Un problème, Cédric. Ouais, ça vient. Voilà, c'était à Deauville. Non, c'était à Narbonne. Ah, ouais, ça a changé encore, tiens. Bon, Benjamin, tu veux qu'on fasse quoi pour toi, nous? Bah, j'aimerais bien avoir quelques conseils, je sais pas, s'il y a des gens qui ont. Ah, mais je te dis, hein, tu vas te ramasser la gueule, hein. Non, mais est-ce que vous avez déjà essayé de draguer une prof, une CPE, un prof, dites-nous. Moi, je me souviens, on avait eu un auditeur. Une pionne aussi. Et je crois que c'était avec une pionne ou une prof. Et il est arrivé avec un bouquet de fleurs. Ah ouais. La prof, elle lui avait rendu, elle l'avait calmé direct. Elle lui avait dit non, ouais, mais en même temps, il n'y aura jamais moyen. Non, petit gars. Et tiens, ramasse ton bouquet, mon enfant. Allez, offre-le à ta maman, mon grand. Vas-y, allez. Ça avait été un peu l'humiliation. Ouais, non, mais ouais, c'est clair. On l'a vu, on avait bien rigolé, mais bon. Bon, bah, on peut rigoler encore ce soir, allez-y, on attend vos témoignages. Pénélope, ça m'intrigue, j'aimerais savoir ce que t'as découvert sur ton mec. Donc toi, tu pensais être en couple depuis un an, Pénélope. Oui. Et puis il y a 6 mois, enfin ouais, à peu près 6 mois, puisque c'était en janvier, 5 mois. Tu as découvert le poteau rose. Tu as découvert un truc. Oui, Romano, on peut proposer pour Pénélope. Attends, bouge pas, j'ai juste deux messages et après on pourra proposer. Tu veux qu'on fasse un jeu? Bah, je sais pas, bon, c'est pas trouvable, oui. Alors on va faire le jeu ouais, de Pénélope. Du coup, là, je suis tout perdu, j'ai plusieurs idées. Ah bah, tu vas pouvoir en donner plusieurs. On fait un tour de table. Alors, Pénélope, tu dis s'ils ont raison ou s'ils ont tort. T'as découvert un truc sur ton mec. Et donc, le jeu, c'est qu'est-ce qu'elle a découvert? Que c'était une meuf. Alors, tu as découvert que ton mec était une meuf. C'est la proposition. Non. Mais je peux faire mes deux propositions d'un coup? Non, tu en fais une d'abord. Bon, allez, je dirais que ton mec, t'as découvert qu'il était bi, qu'il se tapait d'autres mecs. Ah putain, c'est ce que je voulais dire. Non, pas ça. Marie et Romano proposent ton mec est bi, il se tape donc toi, mais également des mecs. Bon, du coup, vu que Marie a répondu, on repasse à moi là. Non, c'est à moi. C'est à Cédric. Cédric? Moi, je dirais que son mec, il était déjà en couple depuis plus longtemps qu'avant d'être en couple avec elle. Alors, tu le vis. C'est ça? Ah putain, c'était ça ma deuxième idée. Oui. Bravo Cédric. Bien joué, voilà, man. Félicitations Cédric. Et voilà, merci. Et ouais, t'as réfléchi pour réponse. Toi quoi, mais Donc ton mec était en couple en fait avant de sortir avec toi? Voilà, il était en couple depuis 8 ans. 8 ans. Mais il a quel âge ton mec? Parce que t'as 21 ans. Il a 24 ans. En tout cas, le mec, bon, c'est un salopard, mais il est fort, oui. Pourquoi il a fait ça? Bah, pendant un an, t'imagines le gars. Donc tu l'as découvert, j'imagine que tu lui as balancé ça dans la gueule tout de suite. Bah, en fait, non, mais ça s'est passé ironiquement, ça s'est passé, c'est que sa copine, elle est venue me parler via un réseau social, Facebook. Donc c'est comme ça que tu l'as découvert. Parce que voilà. Elle, j'imagine qu'elle non plus n'est pas au courant que t'existais. Enfin, non, à la base, non. Ouais. Elle savait pas. Et donc après, elle m'a tout expliqué. C'est elle qui m'a dit toute la vérité, en fait. Et du coup, elle était avec lui. Le jour où elle m'a dit ça, elle était avec lui. Et elle me l'a passé, je lui ai dit, bah, passe-le-moi. Elle me l'a passé au téléphone, et lui, pris de court, il m'a dit, t'es qui? Oui, je ne te connais pas, mais qui es-tu? Ouais, c'est ça, t'es ça. Mais vous êtes qui, madame? Bah, tu lui dis, je suis Pénélope. Ouais, oui. C'était affreux. Franchement, c'était affreux. Je lui ai dit, bah, c'est ça, c'est Pénélope, c'est moi. Il t'a pas dit Pénélope qui? Non, mais lui, il est complet. Non, mais lui, Pénélope est... Cruz? Non, ouais, mais lui, il est con aussi. Il y a sa meuf à côté. De toute façon, il vient de se faire cramer. Ça sert à quoi de nier? Mais Pénélope qui? Bon, vraiment, je ne vois pas qui. Et du coup, en plus de ça, moi, j'étais enceinte de 2 mois. Donc, après, j'ai dû faire. Ah, bah oui, de lui. Voilà, de lui, exactement. J'ai dû faire une IVG et tout. C'était un moment dur. On a arrêté de se voir pendant au moins un mois. Et il s'est excusé. Il m'a dit que c'était sa vie d'avant. Il voulait pas qu'on se sépare, donc il voulait pas m'en parler. Il avait peur de me perdre et tout. Oh, donc, c'est peut-être vrai, hein. Ouais, cohabito habituel. Non, mais bon. Ah, bah, t'as le droit d'avoir une vie. Non, mais pas en même temps, Marie. Permettez-moi de vous dire. Ouais, en même temps. Vas-y, Robado. Ne soyez quand même pas naïf, quoi. Tiens, c'est que le mec, c'est le truc, c'est le truc qu'on a entendu, mais 100 000 fois. Essayer d'arranger les choses. Oui, non, mais ça sert à rien de la faire respirer, la pauvre. Moi, je te dis, Pénélope, le mec s'amuse, mais c'est le coup classique. Oui, tu comprends, je peux pas me séparer d'elle. En ce moment, ça va pas, elle est en dépression. Mais les trucs, mais classiques, mais entendus 10 000 fois. Ouais, un milliard de fois. Et souvent, ça dit, mais t'inquiète, dans pas longtemps, je vais la lâcher. Ouais. Et puis là, en fait, ça traîne. Oui, ça traîne. Et puis au final, il la lâche jamais d'ailleurs. Ah ouais. Et ouais. Non, mais de toute avec cette histoire, c'est elle qui l'a lâché, c'est sûr ça. Alors que lui, il est plus avec elle aujourd'hui. Bah oui. Et toi, t'es toujours avec lui. En fait, c'est ça le problème, c'est que je suis toujours avec lui. Et pourquoi c'est un problème? Parce que c'est toi qui l'as choisi. Parce que si tu décides de plus être avec lui, tu le largues, c'est fini, tu passes à autre chose. Oui, quand même, toi, le mec est quand même pas d'une fiabilité. Ah bah, à 100%. T'as menti pendant un an. Ouais. Et il y a un message de Charles Villeneuve, le mec de Pénélope, il fait comme les pervers. Tu sais, quand tu les appelles, il dit oui, allô, ah, Pamela qui? Oui, c'est vrai. T'as tiré leur femme à côté, c'est vrai. Déjà, putain, quand t'as eu le message de la nana sur Facebook, là, t'as dû halluciner. Ah, quoi, t'es contente, dû... oh. Ah ouais. Mais t'y as cru tout de suite ou pas? Bah, en fait, non, justement. Parce que lui, il m'avait dit, je suis allée chez lui plusieurs fois, il m'a dit qu'il avait une sœur. Donc pour moi, quand j'aurais des habits de femme et tout, je me disais, c'est pas sa sœur. Mais lui, il est trop fort, lui, c'est fort, lui. Or que la fille en question, c'est la sœur à son ex. Il s'est fait choper, au final. Ouais, mais quand même, pendant un an, t'imagines? C'est un tombeur, son mec nous dit French Touch. Respect à son mec, trop fort. Avoir 2 meufs à la fois, aucune des deux n'est au courant. Alors là, respect, bravo man. Mais c'est vrai quand même, applaudissements parce qu'il est fort. Ouais. Non, demi-applaudissements parce qu'il s'est fait choper, un mec vraiment fort. Mais il s'est jamais chopé. Ouais, mais faut que tu te fais choper. Allez, j'applaudis avec une main. Voilà. Ouais, mais super, ça fait beaucoup de bruit. C'est pas très bruyant, mais c'est bien. Du con, avec sa main dans l'air. Tiens, j'ai découvert que mon ex était enceinte. Oh, quelle horreur. T'imagines, Kevin, il sort avec une meuf, elle lui a pas dit, et il se rend compte qu'elle est enceinte. Bah ouais. Pourquoi t'es restée avec lui, Pénélope? L'amour. Bah, c'est parce que je l'aime. Bah parce que j'aime beaucoup. Mais après, il y a l'habitude aussi. Mais l'amour. Non, mais l'amour, il en a quand même pris un coup dans la gueule quand t'as appris ça. Oui, ça c'est sûr. Mais après, avec le temps, pour moi, c'était toujours mon copain. Quoi. Quand je pense à lui, bah, je pense à nos moments et tout. Donc je me disais que. Ouais, mais enfin, si t'appelles, c'est que ça te pose quand même un problème. Oui, voilà. C'est ouais, ça, bah c'est mais de toute façon, la confiance est brisée totalement. Et pourquoi t'es pas là? C'est ça, voilà, c'est le problème de confiance. Attends, c'est que moi, maintenant, je demande tout le temps où il est, je l'appelle, dis qu'il en a marre. Je lui repars toujours de ce problème, j'essaye de. Ouais, je comprends. Ouais, parce que là, ça. Non, mais bon, tiens, mais pour l'autre meuf, c'est horrible aussi, elle. Hein. T'imagines, ça faisait 8 ans qu'elle était avec le mec. Qui, elle apprend qu'elle est cocu depuis un an et bim, au final. Et elle apprend aussi que la meuf, c'est-à-dire toi, Pénélope, est enceinte. Ouais. Aussi. Ouais, c'est ça. Et en plus de ça, elle se fait larguer. Alors, mais ça se trouve, il l'a même pas larguée. Hein. Ouais, oui d'ailleurs. Par contre, ça se trouve, il continue comme ça, il t'a fait croire qu'il avait largué. Bah, il m'a dit, mais non, il est parti habiter chez un pote pour l'instant et tout. Il habite chez elle. Dit, ouais. Ah, parce qu'il habitait chez elle. Bah, ils habitaient ensemble. Enfin, il habitait chez sa mère et sa sœur. Ah ouais, parce que c'est la famille de la fille. Ah ouais. Ouais. Parce que tes parents, ils voyagent beaucoup, ils sont au Liban, en Guadeloupe, tout ça. Ils sont pas tout le temps là, en fait. D'accord, ils sont pas en France. Moi, je pense qu'ils te bluffent, moi. Je pense que le mec, il est pas fiable. Ça, c'est sûr. Là, il est pas fiable, on est d'accord. Le mec, c'est normal que t'aies quand même des doutes sur lui, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous feriez? Tiens, on va vous demander, vous êtes dans le cas de Pénélope, je vous disais il y a un instant, il faut se mettre dans sa situation. Vous êtes dans le cas de Pénélope, donc Romano, tu largues, Marie. Ah ouais, moi, c'est même si t'es très amoureuse, et Marie, t'es très amoureuse, et en plus, il a un sexe énorme. Non, mais il est très amoureux. Alors là, je réfléchis quand même un peu. Pendant un an, il me prend pour une conne, mais elle est tombée. Plus qu'une conne, c'est fini. Bah, là, Samy. Ah, mais moi, je lâche, j'insulte. Je me venge, je fais la totale, moi. Ah ouais, carrément. Ah ouais, très vexé. Un an, t'as pris un con. T'es pris pour un con. Cédric, qu'est-ce que tu en penses? Ah, pendant un an, il t'a pris pour un con. J'aurais tellement la haine, gros. Ouais, bah, je reste avec parce que j'en trouverai pas d'autres. Ah, c'est vrai. Si, je m'en bats les couilles. Non, mais en plus, c'est seul que. Y a pas d'autres mecs, t'as, en fait. J'ai la raison, Romano. Y a pas d'autres qui t'intéressent? Mais si, mais à côté, non, mais à côté, moi, je suis aussi à l'ailleurs après, etc. Mais c'est qu'après, je reviens toujours vers lui, en fait. Ça va aller loin, votre truc. Non, mais en plus, le mec, il faisait sans capote, donc avec toi et son autre meuf, quoi. Oh non, mais ça, je serais vénère. Ah, putain, enceinte. Et Karim, tu ferais quoi alors toi? Ah, moi, coup de pompe, salut, salam alaikum. C'est fini, salut alaikum. Ouais. Et c'est Saboun qui a Bounner. Mais c'est quoi ce couple de mongol? Oh alors, Saboun, Salah, mais complètement révolté. Mais c'est l'amour, tu comprends pas, toi. Et il y a même, on nous disait, message du 54, on disait, mais l'amour rend con parfois. Bah ouais. Bah ouais, Pénélope, largue l'œil, il y a 7 mecs sur Terre. Comprends. L'histoire est morte, il reste 3 milliards de bits à découvrir, nous dit Mathieu du 59. Super. Salut Mathieu. Non, mais quand t'as appris ça, ça t'a pas dégoûté de lui, non? Ouais, parce que. Mais si, mais en fait, c'est que moi, avant lui, j'avais jamais eu de relation vraiment sérieuse. Et quelqu'un que j'ai vraiment aimé. Amour, ouais, on est indulgent. Du coup, voilà, lui, il m'a mis un peu une stabilité. Mmh. Et je suis redevenue plus sérieuse. Avant, je sortais beaucoup avec plein. Enfin, j'étais beaucoup plus libertine. Enfin, voilà. Ouais, tu t'amusais, plus, quoi. Voilà, j'y vivais. Ouais, tu te posais vraiment. Pas avec un mec, oui. Tu t'amusais. Voilà. Quoi. Donc là, du coup, moi, lui, il m'a posé une stabilité. Oui, mais bon, il y a d'autres mecs qui peuvent te stabiliser. Hein. Ouais, t'en trouveras d'autres. Il a 3 milliards, on disait, oui, là, sur les messages de Mathieu, là. Qu'est-ce que nous dit Idriss? Dégage-le. Idriss, 15 ans. Green du 42, 19 ans. Moi, je déglingue une dernière fois ma copine et après, je déglingue le mec. Petit smiley qui rigole. Ah. Vince qui nous dit, vas-y, barre-toi. Je le largue pour Victoria, 14 ans. C'est fini. Au revoir pour l'Albanais. Il y a Gilly Willy. Vire-le pour aussi ça. Gilly Willy de Londres. Vire ce mec. Il y a plein de belles histoires qui t'attendent. Baffe-le et gifle-le et jette-le. Non, mais surtout que tu vas tellement te prendre la tête là maintenant. Déjà, c'est Mardès tu prends la 60, tête. Marès du 67. Ah, salut, le 67. On vous salue d'ailleurs. Bonjour à tous les nouveaux auditeurs de Skyrock à Strasbourg. 96 FM pour nous écouter à Strasbourg. Ouais, ce que je disais, c'est que tu te prends déjà la tête. Donc, ça va être insupportable ta vie future là. Tiens, je quitte tout de suite. Exactement, pour Louane. Non, mais tout le monde laisse tomber. Hein. Tu peux me donner son numéro en antenne qui me donne 2-3 conseils parce que chapeau l'artiste. Hein. Ça va être chapeau l'artiste. Oh, carrément. Tu peux me donner 2-3 petits conseils, ce serait cool. Bon, je largue le salaud, dégage-moi cette truffe. Et il y a, je sais pas, il y a pas loin de 100% des messages qui défilent depuis tout à l'heure. Et mec nana confondu. Hein. Mec nana confondu qui disent que bon, tu passes à la suite. Hein. Et il y a plein de mecs qui se proposent d'ailleurs, c'est sympa. Il y a le Barcelone. Plein de remplaçants, ouais. Moi, je suis fidèle comme tous les Catalans. Ouais, genre. Ouais, bien sûr, t'as raison. Genre, tout le cas, alors. Bon, en tout cas, bon, il est fidèle, il se propose. Non, mais essaye de passer à la suite. Ok. Bon, ok, bah, merci. Ouais. En tout cas. Ça serait mieux, non? Bah oui. Bah oui. Bah, faut que tu te protèges, hein. Tu vas te bouffer la vie. Non, mais surtout, renseigne-toi bien sur le fait qu'il soit vraiment plus avec l'autre meuf, tu vois. Qu'il continue pas de te prendre pour une conne. Parce que... Mais en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie d'aller lui reparler à la fille, j'ai son numéro et tout, j'ai tout sur elle. Mais je sais pas, j'ai peur de créer encore une histoire. Non mais c'est au final c'est ni toi ni elle qui crée l'histoire, c'est lui. Hein. Oui, lui il est fort, c'est-à-dire qu'il arrive à te faire culpabiliser, c'est génial. Ouais, c'est hallucinant. Quel génie, vraiment. Non mais c'est pour ça que moi je serais toi, je vais si ça peut te rassurer, rappelle la meuf, demande-lui, tu vois, parce que rappelle là. Rappelle-la. Voilà, je peux la rappeler, vous me conseillez de la rappeler. Non, mais pour lui demander, oui. Moi, j'aurais le numéro, je rappellerai, moi, ouais. Bah, ah ouais, moi, non, mais pour moi, tu seras fixé. Et si le mec, il continue de te la faire à l'envers, là, c'est voilà, il faut. Ouais, voilà. Mais moi j'aurais zappé moi. Oui, mais moi aussi, mais bon. Bon, j'ai les résultats du sondage express qu'on vient de m'amener. Merci pour les résultats. C'est 97% des messages qui nous disent il faut le larguer. Ah bah c'est pas 80. Rarement c'est on arrive. Clair. Rarement on arrive à des scores comme ça. Bah alors j'aimerais bien savoir ce que disent les 3% moi. Ah bah les 3% c'est peut-être ceux qui proposent des plats à 3. Ouais, non, ah pas. Ça doit être ça ouais. Je sais pas, 97% pour le larguer. Donc ouais, essaye de passer à la suite. Pénélope, ça sert à rien. Ouais, merci. Ou alors t'as vraiment confiance. Si t'as vraiment donné des preuves de sa fidélité, tout ça. Là, il y a quand même du boulot là. Mais là, il y a du boulot. Ouais. Pour reprendre la confiance. Ça va pas être simple ce soir. Bon, ouais. On a juste Cassie au téléphone qui est en direct de la salle de sport et qui nous écoute. Bonjour la salle de sport. Bonsoir. Salut Cassie. Salut Cassie. T'as 25 ans et t'es à Clermont-Ferrand. Hein. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que t'as entendu l'histoire de Pénélope en faisant du sport? Oui, tout à fait. Et toi, je suis sûr que t'étais en train de pomper. Non, c'est pas ça. Pas du tout, j'étais en train de faire des squats. Ah d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de l'histoire de Pénélope, toi? Eh ben moi, c'est pas tout à fait pareil, mais en fait, j'avais rencontré un gars qui m'avait fait une livraison. Donc, j'étais sortie avec lui, et en fait, au bout de quelques semaines... Oui, alors, je fais une livraison, et là, je vais décharger dans ta chatte. Je décharge tout, allez, c'est parti. Non, c'est une livraison de canapé, donc bon. Ouais, mais, pratique, donc, quand tu livres un canapé, tu peux l'essayer après avec la cliente. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, et ben en fait, quelques semaines après, dans une conversation, il m'a appris qu'il avait un petit tout. Voilà, donc du coup, bon, bah, c'est passé tranquillement. Et puis en fait, quelques temps après encore, en fait, dans une conversation, je pense qu'il s'est zappé tout seul et il m'a annoncé qu'en fait, il avait un deuxième enfant. Donc du coup, je lui ai demandé s'il avait un temps de m'en sortir d'autres. Oui, et au final, en fait, il m'a dit non, pas du tout, j'en ai que deux, machin, j'osais pas te dire pour pas te faire fuir. Mais on disait, et au final, après, je me suis demandé, en fait, c'était encore avec la maman. Et il me disait que non, mais bon, je le croyais plus du tout, quoi. Ah oui, bah forcément. Donc forcément, je... Non, mais ça, sur le coup des gosses, tu sais, il y a des mecs... le cachent. Ouais, qui le cachent, qui se disent que c'est un repoussoir pour les meufs, tu vois. Il y a des meufs, ils ont pas envie de se dire, tiens, je vais être daronne alors que j'ai juste envie de me prendre un coup de bite. Ça, limite, je peux comprendre qu'on dise tout au début. Mais bon, c'est pour les avoir à la liste, ça va aller. Oui, c'est vrai, ouais. Non, mais c'est vrai, quand tout part sur des mensonges, bon, c'est compliqué. Ah bah c'est chaud. Voilà. C'est vrai, c'est dur de construire une relation sur un mensonge. Ce sera ma phrase de la soirée, les non, mais après les enfants, ouais, tu sais pas si ça va durer longtemps avec la nana que t'as rencontrée, donc bon. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais bon, c'est vrai qu'après j'ai eu des doutes si vraiment il était encore avec la mère de. Parce que du coup, je pouvais pas. Enfin, il voulait pas que je le voie tout le temps et tout, donc je me suis demandé si vraiment il était encore. Mais du coup, alors tu t'es pas fait sauter sur ton canapé, quoi? Non. si, mais pas. Alors, elle rit. Ça a duré un petit temps, donc bon, il y a forcément eu. J'ai du pif, hein, je le sentais qu'il y avait un truc sur le canapé, moi. Ouais. Ça, c'est étrange. Il y a forcément eu testage du canapé. Ah, le canapé pue le cul, quoi. Vous l'avez souillé le premier jour. Mais on verra pas ça faire chez toi, mais. Mais... Peut-être pas le premier jour quand même, mais non, j'ai changé de canapé depuis. Ah, c'est bah bon. Bien. Bah, alors, on se serra dessus cette fois-ci. C'est bon à savoir, en tout cas. Eh bien, on te remercie du témoignage, donc tu conseillerais comme nous, Pénélope, enfin, à Pénélope, de laisser tomber le mec ou de. Oui, ben moi, je l'ai laissé tomber. Ouais. Et puis, l'année d'après, je me suis. Pour le coup, je me suis mis en couple, ça a duré un an. Et en fait, au bout de quelques mois, pareil, un été, une fille qui m'écrit, et en fait, c'était l'ex de la personne avec qui j'étais, et en ça fait, voilà, mal, pareil. T'as quoi, ouais, tu l'as largué, continue de te faire chier. Non, bah là, c'était un autre, c'est du un coup, elle m'écrivait pour me dire que, voilà, qui se fréquentait encore, machin et tout, elle m'a envoyé les conversations. Ah, et sympa. Du coup, bah, pour en revenir à Pénélope, en fait, je l'ai, on va dire, un peu pardonné. Je me suis dit, bon, je vais passer dessus. Et en fait, après, j'étais insupportable. Je passais mon temps à le piquer. Voilà. Je passais mon temps à péter des câbles pour rien. Mais dis donc, Cassie, t'es quand même une fille vachement chanceuse en amour, ouais, toi. Ouais, pas mal. Je veux dire, t'as une bonne série. Je comprends que tu te défoules en faisant du sport et en écoutant l'émission le soir. Ça ouais, fait du bien. Il vaut mieux. Donc, ouais, il est d'accord, il vaut mieux le virer, quoi. Bon, allez, ok, Pénélope. Ok. Bah ouais, c'est mieux que ça. Enfin, je pense, après, tu fais ce que tu veux, Pénélope. Hein. Ah, c'est, bah après, c'est ta vie. Hein. Faut juste nous donner des nouvelles. Ah. Mais regarde, Cassie te l'a dit, elle l'a vécu. Merci, Cassie. Ouais, moi, je l'ai quitté après, du coup. Bonne soirée. Et ça va mieux pour l'instant. Et ça va mieux avec les mecs maintenant? Oh, bah là, je suis en couple depuis quelques temps. Pour l'instant, ça va, on va toucher du bois. Tiens, au courant, s'il y a un souci. Hein. D'être parano maintenant. Tu nous rappelles quand tu veux de la salle de sport. Quand t'apprends qu'il a 3 femmes et 12 enfants. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, Radio Libre avec Diffoulé toute l'équipe jusqu'à minuit tout l'été du lundi au vendredi. On vous prépare le double appel. On va filer dans le 71. On va retrouver Raymond et David de Saône-et-Loire. Et juste après, Steven, notre auditeur qui veut chasser. Chasser quoi? On va découvrir tout ça dans un instant. Juste après le son de Ken Jones, voici Don't Mind sur Skyrock. Ken Jones, Don't Mind, le double appel et Steven, notre auditeur sur Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning de Difool. Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. DJ Snake. Encore, le premier album de DJ Snake inclut les singles Middle et Talk. Avec Justin Bieber, Travis Scott, Young Thug, Jeremiah et bien d'autres. Encore, le premier album de DJ Snake disponible maintenant.

that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she said, sabate. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. And she says I pass it, and I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da. Then she says I pass it, and I said na boule. No matter where I go, go. You know I love them all, all. Tous les soirs, 21h. Difoul est sur Skyrock. Oui, j'écoute. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Patrick, encule-le. Le double appel de Difoul sur Skyrock. Mais t'es un con ou quoi, toi? Alors, double appel, vous, vous connaissez le principe. On met des familles en contact ensemble. Logiquement, on n'a pas le droit de parler. Bon, parfois, on est obligé pour les garder avec nous. Et puis, bien sûr, peuvent intervenir les stars du double appel, Cédric. Oui. Bonsoir, ça va, bébé? Ça va, bébé. En fait, j'ai un pote à moi, il m'a chauffé. Eh bien, écoute, elle est bien, ta vie. Donc, toi, tu es... C'est Cédric. Cédric. Donc, Cédric peut intervenir. Patrick moi, ouais. peut également intervenir. Absolument, oui. Ah, bonjour, Patrick. Comment Absolument, oui. Oui, bonjour. C'est bien Patrick, hein. Patrick. Très bien. Patrick. Merci, Patrick. Bah, je vais te branler. Ok, t'es bien, là? Tranquillement, ouais, avec tes queues à l'air, là. Ok, donc Patrick a le droit de... Super. Donc, en fait, parfait, c'est nickel. On a des sons de Patrick, on a des sons de Cédric. Donc ça, c'est pour garder les familles au cas où. J'explique pour ceux qui découvriraient le double appel. Et donc les numéros, c'est ceux que vous nous laissez et qu'on appelle en direct tous les soirs. C'est parti. Adagio. Vas-y. Oui, merci, Patrick. On y va doucement, Patrick. Tranquille. Voilà, on y va? Bien sûr, ouais. Ah, ça sonne. Allez, on y va, let's go. Les deux sonnent. Adagio à votre service. Je vous entends mal, vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Adagio Nantes. Allô? Oui, Adagio Nantes, Santilli, bonsoir. Oui, allô? Je vous écoute. Allô? Oui, allô? Je vous écoute, madame. Vous nous avez appelé? Pas du tout, non. Enfin. L'hôtel Radisson. Ah non, enfin c'est peut-être ma collègue juste avant, mais pour le coup, non, pas du tout. À quelle heure ça a été fait? Vous savez pas? Non, là tout de suite. Tout de suite? Ah bah, oui. Là, je ne sais pas, peut-être une mauvaise manipulation. D'accord, très bien. Désolé, bon courage. Est-ce que tu veux que je te manipule? Pas tout de suite, non, merci, bonne soirée. Bonsoir, ça va bébé? Ah, c'est dingue, je parle, il reste avec nous, j'envoie la voix de Cédric. Ah bah il raccroche les deux. Étonnant. Eh, ils allaient raccrocher, hein. Non, pas du tout, Cédric, j'ai envoyé le son là. Bonsoir, ça va bébé? Où tu es si ça sensuel va, et que tu nous donnes tellement envie de dégueu. Que... Bah, pourquoi? Bah je sais pas, et là il raccroche. Bah, rappelle-les alors. C'était marrant, les autres, ils comprenaient rien. Oui, alors, oui fausse manipulation. Oui. Allez, deux autres. Alors on fait deux autres hôtels et après on passe aux familles. Et au numéro que vous nous avez laissé. Ah non, ça va recommencer. Allô? Hôtel Astoriadante, Amélie, bonsoir. Bonsoir Amélie, comment vas-tu et tout donc? Bonsoir, ça va bébé? Ah t'as vu Cédric, j'ai refait le test, vas-y raccroche l'autre hôtel, ça sert à rien. Mais j'ai refait, chelou, hein. J'ai refait le test et elle a raccroché au moment où j'ai envoyé. Bonsoir, ça va bébé? C'est dingue ça, dis donc. C'est ouf. Ouais, c'est bizarre, ouais. On va passer à, on passe à qui, Samy? Bah on fait les familles un peu, non? Alors les familles un peu, si tu veux. Qui c'est que tu veux qu'on appelle ce soir? Est-ce que ça te ferait plaisir, Romano, d'aller dans le 71? Ah ouais, en Saône-et-Loire, ouais. Dans la Beurche. Je te propose Raymond et David. Raymond et David. Oh non, mon Dieu, que ça va être la rencontre. Raymond et David. On va se faire rouler dans le fumier. Dans la mer. Ça sonne les deux. J'ai la campagne. Dans le fumier. Les deux sonnent. Salut les filles. Allô, oui. Allô. Allô. Salut les filles. Oui. Patrick. Patrick. Patrick. Il faut qu'il t'encule là. Eh, hey, t'es pas un peu taré toi? C'est qui appelle là? Ben bien sûr, oui. C'est qui appelle justement? C'est toi qui appelle moi, non? Quoi? Qu'est-ce que c'est ce boulot? Patrick. Ben, j'en vais appeler de qui donc, l'acteur, moi c'est impossible. C'est la part de qui déjà, premièrement? Mais c'est pas nous qui appelons. Cinglé, on se voit ou quoi? Comment? C'est pas nous qui appelons ou qui vont? Ça veut dire qu'ils t'enculent tout de suite, hein. Viens me le dire, viens ici, viens chez moi. Ah ben. moi, téléphone à Stern, moi, c'est longtemps que c'est terminé, que je n'ai pas jamais personne déjà. Alors déjà, premièrement, il y a un connard qui essaye de faire une plaisanterie ou quoi? Moi, je suis poli. Bah, je te viens, je te jure vraiment, bah, c'est impossible qu'il vienne chez moi. Non, tu le. Je sais rien, je suis pas un bordel. Qui donc t'appelle là? Ça va bien votre tête? T'es en train de te faire baiser ou pas? Oh non, moi j'étais au lit là. Ça m'a réveillé, je suis pas sur le gamin qui avait arrivé quelque chose. Mais c'est qui cause là? Donne pas ton numéro de téléphone déjà, puis ton nom. Non, tu le. Mais qui c'est qui dit par derrière enculé, ça quoi? Bah, qui c'est qui dit ça? C'est toi qui dis ça, j'ai jamais parlé de ce patron, hein. Écoute bien ma voix, moi je parle un peu comme ça, mais je dis bon. Pas aux autres, enculé. Enculé. Vous avez quoi les téléphones? C'est qui dit enculé? Patrick. Patrick, quel Patrick? Patrick. Quel Patrick? C'était débile. Mais t'es un taré ou quoi? Attends, moi j'ai signalé. J'ai signalé, tu vas voir. T'es pas prêt de téléphoner. Hein. Mais quel est le con qui... Vous n'arrêtez pas de changer de voix. Ouais, ouais. J'ai pris ma belle voix, puis j'ai une bonne mythe, là, bien. Et qui... vous arrêterez de raconter des conneries, ou quoi? J'ai une bonne bite, là. Qui c'est qui dit j'ai une bonne bite? Ils t'ont fait une doublette, non? Pauvre con, hein. Et encule-le. Mais bien m'enculer, viens. Et encule-le. Bien m'enculer, viens. Tu veux que je te donne mon adresse? Absolument. Absolument, oui. Et encule-le. Ah oui, ça y est, encule-le. Ils sont occupés de toi, là, pendant ton anniversaire. Tu vois, regarde, c'est exactement... Ils s'occupaient de toi pendant ton anniversaire. Mais c'est vraiment des débiles, hein. Ils t'ont fait une doublette, non? Putain. Ils sont partis. C'était super, bourguignon l'accent. Ah ouais. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Tout peut arriver. T'es là, Steven? Allô. Ouais, Steven. Vous m'entendez? Bienvenue dans la radio avec un logo rouge comme le logo de la Ferrari. C'est ça. Merci l'équipe. C'est Skyrock. Bienvenue à toi, Steven. Ouais, ça va. Salut, Steven. Et toi, bien? Désolé, j'ai un portable un petit peu. Non, mais ça va, il y a eu pire. Hein. Oh, tu sais, on a connu pire déjà. Hein. Ok, ça marche. Alors, Steven, t'es à Dunkerque et toi, tu nous appelais. Alors, pour parler de phénomènes paranormaux, mais parce que t'as une envie qui t'a pris. Comme ça, ça t'a pris quand, la passion pour les phénomènes paranormaux? Alors, ça a pris il y a 2 ans. Oui. Quand j'ai vu la gueule de Cédric, eh ben, c'est ça. Moi, ça m'a pris aussi. La première fois, c'était pareil. Je me suis dit, il y a quand même des trucs qui sont pas normaux ici. Putain, c'est quand même intéressant. Il y a des trucs bizarres. Bah ouais, il y a des trucs chelous quand même. Ça t'a pris il y a 2 ans. Voilà. Mais pourquoi il y a 2 ans? Bah, parce qu'en fait, je regardais des vidéos sur YouTube d'une organisation qui est à l'étranger. Mmh. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai regardé ces vidéos et ça m'a motivé. Genre, il y avait quoi sur les vidéos? Ils visitaient des endroits hantés? Ils allaient Ghostbusters Ouais, voilà. Pas ce genre-là. Non, parce que c'est des débiles. Hein, moi, je les ai déjà vus à la télé. Il y a des émissions qui passent avec des Ghostbusters. Non, mais des chasseurs de fantômes. En France, parce qu'il y en a des Français. Hein. Ah. Genre Ghost Hunter, je sais pas si vous connaissez. Ouais, Ghost Hunter, c'est ça, ouais. Voilà, tout à fait. Ghost Hunter, ça veut dire chasseur de fantômes. Ah ouais, c'est voilà, les gens qui foutent des micros, tout non, ça. Non, mais là. Il y en a en France, le mec qui se trimballe avec un magnétophone à cassette, déjà. Ouais, c'est ça, et qui filme. genre le truc que vous retrouvez. Mais à l'ancienne, c'est le truc, j'avais halluciné. Mais qui prend les ondes. Ouais, j'avais mais vu, t'avais ouais, vu. En fait, ils sont 2 ou 3, donc ils ont chacun leur spécialité. Il y en a un, il enregistre le son, donc il a son magnétophone à cassette avec des micros à peu près de la même époque. Il y en a un qui filme. Il y en a un qui filme et il y en a un autre, je crois, une caméra. Qui écoute son Walkman. Il a son Walkman et l'écoute. Là, je crois qu'il y a un bordel avec une caméra caméras, tu sais, qui détectent les sources de chaleur. C'est ça, exactement. Un truc comme ça. Et par exemple, toi, tu les appelles, tu dis, ouais, je crois qu'il y a un fantôme chez moi. Et le mec arrive. Il passe la nuit chez toi. Et l'autre, il a avec son casque et son magnéto à cassette, là, et puis il écoute. Mais il se passe jamais rien. Mais en fait, ils disent qu'il y a des phrases ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est le vent, je pense, qu'il fait. Non, mais des fois, il fait. Ouais, voilà. Le fantôme. Oh, il nous a dit bonjour. C'est le mec qui va te dire, oh, c'est Victor Hugo. C'est vrai. Tiens, alors que t'as entendu. Ouais, alors là, les vidéos, ouais, y a, Romano, t'as pas tort. Sauf que les vidéos que je regarde, en fait, leur matériel, il est plus sophistiqué. Ah, j'ai le Walkman, j'espère. Et le Manitou à cassette. Tiens, en France, je crois que c'est des ringards, les. C'est possible. Le Walkman. Toi, t'as vu un truc de tes yeux, parce que bon, les émissions, c'est bien, mais. Non, mais surtout sur Internet, il y a un paquet de pipeaux. Ouais. Quoi. T'as rien vu, toi? Pardon? T'as rien vu ou senti ou entendu? Bah en fait, sur toutes les vidéos que j'ai vues, il y en a une qui m'a quand même un peu troublé. Mmh. En fait, ils étaient dans un château, dans un espèce de château qui était transformé en espèce d'hôtel. Et en fait, ils enquêtent dans un sous-sol. Ouais. Et il se passe à un moment, quoi dans le t'as l'un des enquêteurs. Hein? Il se passe des trucs chelous dans le sous-sol? Bah, en fait, t'as l'un des enquêteurs qui, pour appeler l'éventuel esprit, mmh. il lui dit eh oh. Et là, il lui fait, est-ce que tu m'entends? Eh oh! Est-ce que tu me sens? Eh oh! C'est le fantôme des tragédies. Ah ouais, on a retrouvé tragédie. Eh oh, oh! Et puis, c'est pas de l'arnaque, ouais. C'est un hôtel, genre, c'est pas pour faire venir les gens, quoi. Ah, Marie. Moi, perso, un hôtel qui passe à la télé, parce qu'il y a des fantômes dedans, perso, même si j'y crois pas, j'y vais pas. Ah, tiens, les cheveux de Romano nous laissent un autre message. Ah, mais allez, vous faire remettre. Premier phénomène paranormal, les cheveux de Romano ont disparu. Ouais, bien sûr. Mais t'y crois, genre par exemple, toi, la dame blanche et toutes ces conneries? Je suis sceptique. Et par exemple, Bloody Mary. Moi, j'ai une bouche comme une fausse sceptique. Ah ouais. Elles sont la même hauteur. La dame blanche, mais est-ce qu'elle existe vraiment? La dame blanche, c'est la meuf qui se met sur la route et qui ferait avoir des accidents. Ouais. Soi-disant. T'as une meuf qui apparaît sur la route alors que t'es en train de conduire. Comme mais en général, c'est dans des virages dangereux. T'as la dame blanche qui apparaît qui fait. J'espère jamais tomber dessus alors. Mais je suis la dame blanche. Non, mais problème, partout, non, mais il fait ça pour que t'aies un accident. Salope. Ouais. Ça, c'est bien une gonzesse, c'est quoi. Ouais, mais bien sûr. Gonzesse, la vapeur, là. Gonzesse sur la route, quoi. Voilà, quelle pute, elle-là, quoi. Et donc, toi, tu nous appelais parce que t'avais une envie et tu voulais savoir comment faire et tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Skyrock si. Voilà, des conseils. Et en fait, je voulais avoir des conseils et puis savoir s'il y a des auditeurs, des auditrices qui auraient, par exemple, vécu des événements. Alors, attention, là, ça va être. Tu veux faire un recueil? Ça va être le défilé des tarés, là. C'est en général qu'on parle de ça, les timbrés arrivent. Alors, on vous attend, comme l'a dit Romano, vous pouvez nous appeler, quel soit votre état. Non, mais là, ça va être, je pense que c'est. Tu sais que tu vas te faire traiter, Romano, hein, par tous ceux qui ont vu des choses bizarres, tout ça. Hein. Ah ouais, non, mais moi, j'y crois pas. Alors, ça, mais c'est un truc, j'y crois pas du tout. Quoi. Mais moi, après, je vous avouerai, j'en ai parlé à des amis. T'en prie pour un dingue, non? Ils se foutent de ta gueule. Ouais, légèrement, ouais. Donc, toi, tu voudrais devenir enquêteur sur des phénomènes paranormaux. En fait, tu veux devenir Ghostbusters, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Non, mais s'il existe une version française de l'émission américaine, enfin des émissions américaines sur les fantômes, pourquoi tu le. Non, mais ouais, mais moi, tu sais, même dans la vie de tous les jours, tu vois. Je sais pas, tu vas à un endroit, tu discutes avec des gens, ils te disent c'est quoi ton job, tu dis Ghostbusters. Je suis chasseur de fantômes, moi je me dis ouais le mec c'est un ouf. Je suis Ghostbusters. Tu sais, tu veux pas être pris au sérieux, les gens ils vont se dire le mec il est barjo. Ouais, tu m'étonnes. Dans la vraie vie tu fais quoi gros? Mais c'est quoi ton vrai métier? Ton vrai métier, c'est-à-dire ce Ghostbusters. Ouais, non mais tu vois les gens ils vont halluciner. Hein. Il fait la Corée du film. Ghostbusters. Alors qu'est-ce que bon on fait ça Steven? Bon, on va récupérer. Très bien. Bon, bah, on y revient tout de suite. Steven, tu bouges pas, reste avec nous. Appelez-nous pour Steven. Et donc, si vous connaissez des enquêteurs sur les phénomènes paranormaux, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des, tiens, vas-y, coupe ça, Romano. Ouais. Je suis sûr qu'il doit y avoir des boîtes de mecs qui sont Ghostbusters en France, non? Ouais, des passionnés. Tiens, renseignez-vous. Non, à mon avis, il y a plus des clubs que des sociétés. Ouais, voilà, des... T'en as vu, Steven? En fait. Allô? Ouais, t'en as vu des boîtes qui embauchent pour. En fait, ça existe effectivement en France, mais on va dire que c'est pas vraiment des organisations à proprement parler. Non, mais les mecs qui passent pour des tarés, non? Ouais, carrément, parce qu'ils sont pas dans leur façon de faire, dans les endroits qu'ils vont visiter, dans les outils qu'ils utilisent. Ah bah ouais, pour, l'autre avec son magnétophone à cassette, ouais, ça. On va pas aller chez loin, hein. Oui. Non mais voilà, ils sont pas. Enfin, moi personnellement, je le trouve pas crédible, mec. Non mais après, toi, tu peux peut-être développer ça en France. Hein. Non, parce que quand je vois les messages que vous nous laissez, c'est ce que je voudrais en fait, Romano. Parce qu'il y en a plein qui croient, qui ont vu des trucs, donc tu devrais trouver des clients, hein, j'en suis sûr, moi. Non mais il y a toujours des gens, tu sais. Des jetons, souffre, il y en a, ouais. Bah regarde, tu sais, quand tu vois le nombre de marabouts, de trucs comme ça, il y a bien des gens qui vont les voir, ces mecs-là. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Moi. Et en plus, j'ai des amis qui sont OP pour payer. Non, pour m'aider à mettre à profit mon projet. Bah non, mais écoute, si c'est ton projet, pourquoi pas? Je suis sûr que ça peut marcher. Non, mais bon, s'il y a moyen de faire de l'oseille. Je te dis, tu peux te faire de la thune, hein, Steven, avec ce. Ça, vu le nombre de messages qu'on reçoit, c'est clair qu'il y a de la thune à se faire. Hein. dis-moi, Romano. Ouais. Imagine-toi, t'es dans ton salon. Sur son canapé à tiétiner. Non, mais il n'y a plus de canapé à tiétiner. T'entends un bruit dans une autre pièce, par exemple la salle de bain. Ouais. Tu vas voir ce qui se passe dans la salle de bain. Et. T'ouvres la porte, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Cédric qui est en train de péter. Oh, excuse-moi. Attends, je vois quoi? Tu vois ton miroir qui se retrouve au milieu de la pièce. Mais c'est-à-dire au milieu? Bah, il se décroche de ton mur et il se retrouve au milieu de la pièce. Bah, moi j'arrête de boire. Mais non, mais si le milieu, il sera cassé parce qu'il sera tombé par terre. Bien sûr. Ah non, mais genre toi, il est en équilibre dans le vide, quoi. Ouais, et après il se casse la gueule, forcément. Et là il te fait bonjour, je suis le miroir. Je tombe. Imagine la scène, quoi. Non, mais la scène, c'est que je me dis, ouais, j'ai trop bu ou j'ai trop fumé. Ouais, j'arrête la drogue. J'arrête tout de suite. Non, mais ce qui est bizarre, c'est d'y croire autant sans que t'aies rien vécu vraiment. Non, mais Marie, toi t'es quand même une sacrée gogo. Ah bah non. Aussi, en fait, moi, aussi, mon père m'a raconté des trucs, donc j'ai tendance à croire à mon père, bien évidemment, mais après moi j'ai rien vu. Donc, c'est quoi, ton père, il t'a raconté quoi? La table qui vole? Ouais, la table qui montait sur. Je te raconte pas la cuite qu'il avait dû se prendre. En même temps, la table qui faisait une course de chevaux. Elle a rattrapé les chevaux avec ses quatre pattes. Le truc que j'ai su après, c'est qu'il était en Martinique avec. Il était déglingué. À mon avis, ils avaient bu du rhum. Voilà, c'est ça. Avec la chaleur et tout, je pense qu'il devait y avoir. Non, mais toi, t'as jamais rien vu. Non. Bah, non, j'ai rien vu. Mais pourquoi t'y crois alors? Bah, non, mais j'y crois. Je te dis, moi, j'ai tendance à croire à mon père. Après, j'ai rien vu. Donc non, mais ton père, il boit, Marie. Oui, tout le monde boit. Non, il ne boit pas. Et Orian, il veut que tu fasses le chétane. Peux-tu faire le chétane, Romano, s'il te plaît? Ah, mais non, il n'y a pas peur. 7 ans de malheur, le miroir s'y tombe par terre. Aïe. Non, mais t'inquiète, il est bien accroché au mur. Oui, je suis le miroir, Romano m'a bien accroché, c'est monsieur bricolage. Non, c'est même pas moi qui l'a accroché, mais il est bien accroché. En tout cas, il n'est jamais tombé jusqu'à maintenant. Alors, puisque vous avez demandé le chétane, est-ce que le chétane est là? Ah. Bonjour, chétane. Bonjour, je suis le diable. Bonjour, chétane, comment vas-tu? J'ai un problème avec mes effets spéciaux, je trouve. Je te présente Karim. Bonsoir, Karim. Salam alaikum. Bonsoir, Cédric. Ouais, bonsoir. Cédric, bon, il fait le bonhomme, lui. Ouais, bonsoir. Tranquille, ma gueule. Ouais. Hein. Bah, gueule. Voilà. Toi, t'y crois à fond, ces trucs-là? Non, pas à fond. Bah, attends, c'est qui allait dans une roulotte et se faire prévenir la terre? C'est Cédric. Il y a quelque chose, tu vois, mais après, je suis pas à fond non plus. Mais il y a quoi? Mais t'as dit quoi, par exemple? Bah, Cédric, lui, il allait voir. Tu crois aux voyances, aux voyants, toi, Steven? Dans les roulottes. Ouais. Ouais, bah Cédric aussi, tu vois. Bah ouais, vraiment, vous n'êtes pas communs tous les deux, hein, vous mettre en contact. Et Romano, tu peux te faire une voyance? Non. Pourquoi? Bah parce que je te la fais à 30 euros. Non, mais moi, je ne paierai pas pour ça. Mais moi, je l'avais fait aussi, la voyance. Là. Bon, je te le fais gratuit alors. Je l'avais fait, moi, Skyrock, la voyance. Et alors, il t'avait dit quoi? Non, parce qu'avant, il y avait une autre radio là, qui s'appelait Champ de France, là, oui. Et c'était la radio des voyants. Il y avait des voyants tout le temps. Ah ouais, il y en avait un, d'ailleurs, il était alcoolique, parce qu'il arrivait, il buvait, le mec, il avait. Il venait avec une fiole. Non, mais il avait, tu sais, les petites bouteilles de coca, les 33 centilitres, sauf qu'elle était coupée à la moitié avec du whisky. Wow. Et le mec, il faisait la voyance en direct en buvant son whisky, t'sais. Ouais, tu des trucs dans ça, ça pue rien, je vois ce rôle. Genre lui il lisait la voyance sur quoi? Je sais pas, lui moi c'était une bonne femme qui me l'avait fait. Et bien sûr c'était gratuit, hein. Ah bah oui. Et non mais tu sais la meuf elle m'avait dit oui des trucs qui se sont réalisés mais c'était tellement des banalités. C'est-à-dire qu'à l'époque à Skyrock j'étais en stage et elle me dit ouais vous allez avoir un emploi. Oui. Un jour dans ta vie, ouais. Oui j'espère, ouais. Tu sais comme elle m'avait dit ouais vous allez avoir une meuf. Le truc de Cédric vous allez serrer. Ouais c'est en fait c'est des trucs tellement larges donc forcément ça va arriver. Attends j'ai une vibration, Manon, excuse-moi ça vibre. Oula. Ah, Marie, mais tu as laissé ton god sur ma chaise? Mais t'es con. Excuse-moi. C'est pour faire du bien. T'as laissé ton vibro, Marie. Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Nouveauté Skyrock à écouter maintenant, c'est DJ Snake avec Justin Bieber. Let me love you. Et juste après, on retrouve la suite de l'histoire de Benjamin Dalby qui veut serrer la surveillante dans son bahut sur Skyrock. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let dès 21h. Diffoul est sur Skyrock. Bon, on est avec Benjamin là depuis le début de l'émission qui veut serrer une pionne. Bon, la pionne a 19-20 ans. Toi, t'en as 15, Benjamin. Ouais. Eh ben, encore une fois, bon courage. T'es en troisième, c'est ce que vous dites sur les messages. Bon courage, ouais. Mais pourquoi bon courage? Faut être optimiste. Parce que c'est impossible. Enfin, rien n'est impossible. Impossible n'est pas Skyrock, Marie. Ouais, mais enfin, non, quand mais même, imagine, là... Benjamin, t'es pion. Et t'as une élève de 15 ans, donc t'inverses l'histoire. Est-ce que tu la niquerais? Non, mais les garçons sont plus matures, normalement. Voilà, ça c'est bien dit, mais je suis d'accord avec toi. N'importe quoi. Non, c'est vrai que les garçons, on est plus matures que vous, les filles. Ouais, bien sûr, ouais, t'as raison. Largement, sauf Cédric, hein. Cédric. Et plus intelligent, sans doute. Beaucoup plus intelligent aussi. Certainement, ouais. Surtout beaucoup plus mature. Je sais pas ce qu'en pensez les filles, mais. Ouais, t'as raison. Ouais. Vous êtes un peu plus. Vous restez un peu plus gamine plus longtemps que moi. On t'a entendu, poteau, avec ta blague. Et là, quelle blague? Parce que putain, elle dit sauf Cédric, sauf Cédric, mais j'ai bien entendu, moi, la blague, elle est très drôle. Non, j'ai pas entendu, merde. Sauf Cédric. Merci de l'avoir souligné, Cédric. Non, parce qu'il galérait en fait. Bon, alors, qu'est-ce que vous nous dites? Moi, j'ai déjà essayé de sortir avec une surveillante, je me suis fait traquer toute l'année parce que les potes ont été au courant. C'était trop la honte. Je te conseille de ne pas le faire. Eh ben, écoute, c'est Aziz qui nous laisse le message. Salut à toi, Aziz. Non, mais surtout, si tu venais à lui demander quoi que ce soit, fais-le en tête à tête. Et surtout, t'en as parlé à tes potes ou pas du fait que t'avais envie de te taper une surveillante? Enfin, j'en ai parlé à un pote, mais. Il était bon de rire, non? Ah bah oui, puis quand il va te dire aux autres, ils vont bien rigoler aussi. Il t'a pas dit d'y aller direct? Comme ça, il se fout de ta gueule après. Il m'a dit, si tu arrives, je te passe 80 euros. Ah ouais, donc il y croit grave lui aussi. S'il est prêt, bien sûr. S'il est prêt à parier, ouais. Bon, alors on a Romain au téléphone avec nous en direct du 47, et qui a 20 ans, il est peut-être arrivé déjà la même chose. Et puis tous les témoignages que vous nous avez laissés, merci d'ailleurs à Char du 44, qui nous dit qu'il y a une meuf qui est trop bonne dans son bahut. Bonjour à Julie, de la part de Waléo. Julie, qui est son ancienne surveillante, et c'est une bombe, elle lui a laissé des traces. Enfin, dans la tête et dans son lit. Dans son lit, peut-être aussi, surtout, des traces. Hein. Surtout. Ouais. Et toi, Romain, donc toi, t'as 20 ans et t'es dans le 47, hein, c'est ça, Romain, du côté de Tours? Oui, l'équipe, ça va? Ça va bien. Salut. Alors, Romain. Salut, Romain. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Dis-nous pour Benjamin. Alors, qu'est-ce que t'en penses, l'histoire? C'était sur le lycée, en fait. Donc, en fait, ouais, c'est un pote à moi qui avait 18 ans. Et en fait, qui est sorti avec une pionne de 28 ans. Et alors, vous voyez, c'est pas possible. Ouais, mais il avait 18 ans. Et alors? Eh ben, ça change tout. Ça change quoi? Ça change tout. Bah, ouais, peut-être qu'elle a peut-être pas envie d'aller en prison, la pionne, là, de Benjamin. Ah, c'est clair. Elle a peut-être pas envie de passer pour une pédo. Parce que t'as 19 ans, t'es pionne, tu sors avec un mec de 15 ans, tu as des soucis. Ouais, sûr que c'est un peu plus chaud au collège, mais bon. Voilà, mais même après, hein, même quand les deux sont majeurs, hein, parce qu'il y a toujours ce truc d'autorité, normalement, c'est... Ouais, normalement, t'as pas le droit. En tout cas, quand tu travailles dans l'éducation, les trucs comme ça, normalement, tu prêtes serment que tu feras et pas ce genre de choses. Et même à la fac, quand t'as 22 ans, ah, oui, exemple, oui. Ouais. Oui. C'est ça. Hein. Oui. Ouais, mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que pendant quasiment un an, ils sont cachés de tout le monde et tout. Mais enfin après, tout le monde dans le lycée le savait, en fait. Ouais, ça s'évite, ce genre de choses. Voilà, après ils en ont parlé au CPE, tout, enfin au chef et tout machin, et y a pas eu de souci. Enfin, il a compris machin, y a pas eu de souci quoi. Ouais, elle était cool parce que à mon avis. Vous voyez que c'est possible. Ouais. Je suis pas sûr que c'est trop autorisé. Mais... Moi, j'essaie de donner de l'espoir au pauvre Benjamin depuis tout à l'heure qui entre 15 et combien elle a déjà Benjamin? 18-19, t'as dit? 19-20. Ouais, voilà. 18-19. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus chaud. C'est impossible. Bah, ça laisse un petit peu d'espoir. Ouais. Ça fait 3 ans d'écart, hein, c'est pas non plus. Ouais, mais il est mineur. Ouais, mais il est mineur. Il y a Mag qui nous laissait un message et qui disait qu'elle avait 3 ans d'écart avec son mec, il en a 22, il en a 19. Oui, mais c'est. D'accord, mais c'est pas pareil. Et puis c'est pas pareil, c'est pas dans le cadre scolaire et tout ça. On a Hugo qui voudrait se taper sa prof d'espagnol parce qu'elle est trop bonne. Bah tu lui fais, hey, guapa, guapa. Ouais, elle va apprécier. Tiens. J'avais une pute au collège, maintenant elle est prof de sport. Ah bon, bah, écoute, salut à elle. Donc j'ai repris contact avec elle et depuis c'est le pied. Eh ouais, mais Malin, t'as 24 ans maintenant, t'es plus au collège. Et elle vit et sa plus vie. De problème. Ouais, c'est plus simple dans ces cas-là. C'est Malin du 45 du Loiret qui a 24 ans aujourd'hui. Puis peut-être qu'en plus cette meuf, tu sais, Benjamin, elle a peut-être un mec aussi. Hein. Ah, tu sais ouais, ça, si elle est. Ah ouais. Si elle est casée, si elle est célibataire, est-ce que tu c'est sais le ça? Le mec, il pourrait venir te péter la gueule, tu le sais ça? Au passage, t'as la totale, tu sais. Il pourrait venir te choper la sortie du bahut. Ah. Ouais, mais ça, ça veut rien dire non plus, tu vois. Ma pote était mariée, tu vois, à l'époque. Ah, le bordel qu'il a foutu ton pote. Bien joué, en tout cas. Chapeau à lui. Non, mais enfin, après, ça se passait mal et tout en couple, du coup, pour ça aussi qu'elle était voyeur, quand même, après. Alors, Céline de Lyon, écoutez bien, j'ai 30 ans, salut Céline, et mon chéri, il a 17 ans, c'est l'amour, on ne peut pas aller contre... Céline, 69. Ah ouais, mais bon. Ah, Romano, alors. Ça vient foutre en l'air tout ce que t'as dit depuis le début, hein. Bah, non, parce que 17 ans, il est mineur encore, hein. Eh bah ouais, justement. Et ils sont amoureux. Bah ouais, non mais tu peux être amoureux, mais moi je trouve ça sale. Pourquoi Romain, tu trouves ça sale? Ah bah parce que tu peux pas trouver l'amour de Céline sale. C'est l'amour, on ne peut pas aller. Ouais, non mais à ce moment-là, t'avais aussi la timbrée aux États-Unis qui sortait avec un élève de 13 ans quand elle avait 40 et qui disait ouais l'amour c'est plus fort que tout. Ouais, elle est plus fort que tout. Non mais elle est en prison. Ah bah ouais, elle est sortie de prison, ils ont fait des. Ouais ouais, je sais, ils sont ensemble maintenant. Oui oui. Mais bon, quand même, tu vois, je sais pas, c'est chelou. Ah ouais, c'est clair. Bon après, chacun fait ce qu'il veut, moi. Céline, c'est l'amour. Mais moi je trouve ça bizarre. Ouais. J'ai un prof qui j'ai un pote qui était prof et qui sortait avec une meuf du bahut et ses parents l'ont appris, ils ont porté plainte contre lui et il a eu des problèmes. Ah bah ouais, ça peut. Non, mais tu... David du 68 qui envoie ça. Je sais que par exemple, si un prof sort avec une élève ou une prof sort avec un élève, tu peux être radié de l'éducation nationale hein. C'est-à-dire qu'il te dégage ouais, c'est de... pas étonnant. T'as plus le droit d'exercer, donc en gros, tu fous quand même ta vie un peu en l'air. Ouais. Pour un coup de bite. Alors comment vous feriez pour... Non mais c'est vrai, au final, t'imagines, je sais pas, t'es prof, t'as voulu faire ça, tu dis qu'il y a une élève... Tu te retrouves sans taf, t'as quand même une réputation de merde. Ah bah c'est la totale. Il y a Jorband qui nous laisse un message et qui a 15 ans et qui nous dit moi mon prof de maths il a un beau cul. C'est marrant les filles, vous regardez les culs de vos profs, c'est ouf ça. Ah ouais, putain. J'avais 15 ans quand j'ai connu mon homme qui en avait 22. Et maintenant je suis maman et j'ai 22 ans. C'est Stéphanie. Et qui, donc ça fait 7 ans que t'es avec ton mec. Si mes calculs sont bons, c'est bien Tiffany. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'ai déjà baisé ma prof d'espagnol. Message de Lou du 13 qui a 28 ans aujourd'hui, qui à l'époque s'était tapé sa prof d'espagnol. Eh ben. Si vous êtes prof et que vous, il vous arrivez des trucs, n'hésitez pas. Moi franchement, dans mon entourage, un pote à moi, il est prof, tu vois. Et lui, il avait une histoire avec deux élèves. Je peux te dire que. Ah, il est chaud le Marseillais. Ouais, bon, sur le coup, il était chaud et tout. Et en fait, une fois que c'est passé, bon, elles ont jamais balancé les meufs, tu vois. C'était juste. Bah, heureusement pour lui. Mais genre, comme il était pas bien, mais genre, il était vraiment en panique parce que c'est ce que. Perdre Roman... son taf. Non, mais perdre son taf, des procès des parents, c'était des mineurs. Ah, ouais, ouais, non, mais ça rigole pas. Mais bon, en même temps, c'est normal. T'envoies tes gosses à l'école, t'as pas envie qu'ils se fassent attraper par leur prof. Et mais là, c'était deux élèves. Ah, ouais, ouais, non, mais. Les deux élèves en même temps. Non, mais il y a des. Non, mais il y a plein d'histoires, tu vois. Après, ça arrive, tu dis des coucheries ici à part. Pour une fois qu'un Marseillais baisse quelque chose. Non, c'était pas un Marseillais, c'était un Lyonnais. On a enculé le PSG, il faut. Ah, excuse-moi, c'est juste pour rigoler. C'était pas un Marseillais. Bon, et sinon, comment il faudrait qu'ils lui disent Mais t'as envie de quoi, toi, Benjamin? T'as envie de lui dire, de dévoiler tes sentiments, de la draguer, de faire quoi? Je sais pas pour l'instant. Ouais, vous feriez quoi, vous, dans l'équipe? Ah, moi, je ferais rien parce que je sais d'avance que ça m'a foiré. Ouais. Bah oui, c'est tout négatif. Et en plus, si tu fais ça en octobre, dis-toi, tu vas te la trimballer jusqu'en juin. Ouais, donc, c'est-à-dire que la meuf, elle va te faire la misère, elle va te la faire à tous les cours. Pas forcément la misère, mais tu vas être mal à l'aise de toute façon. Non, mais bon, tu sais, si elle veut, elle a envie de rigoler un peu, tu sais, elle va faire une petite réflexion. Non, mais elle peut aussi être flattée et ça la gêne. Voilà. C'est pas forcément une connasse, quoi. Voilà, c'est pas une connasse. Tu serais surveillante, Marie, tu te fréquennes par les élèves? Évidemment, oui. Mais par les profs aussi. Ah ouais, par tout le monde dans le bahut. Et bien sûr, le proviseur. Évidemment. Il n'a qu'à attendre qu'elle parte du bahut. Comme ça, personne ne le sait. Et qu'il essaye d'abord d'avoir son Facebook. Il n'a plein qui ont conseillé le Facebook. C'est Florian, 16 ans, qui nous dit ça. Petit conseil qu'on peut te donner, peut-être le Facebook. Oh. Ouais, je l'ai pas trouvé sur Facebook. Ah, tu lui demandes? Non, mais peut-être que tu commences peut-être déjà à discuter un petit peu avec elle. Mais si tu lui demandes, mais. Non, mais tu discutes un peu. Imagine. À la guerre, la guerre, hein. Ouais, lui mettre un faux nom pour pas que les élèves la. Non, mais même si elle a un vrai nom, pour rappel, elle a un profil protégé, elle va certainement pas le donner à ses élèves. Ouais. Ouais, écoute, on sait jamais. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Benjamin? Genre, tu vas voir ses photos de vacances et la meuf en maillot de bain et tout. J'imagine que quand t'es prof, tu fais gaffe à tout ça, quoi. Alors, des idées. Il y a Hugues sur le Facebook de Skyrock. Allez liker la page Facebook de Skyrock. Ce qu'il peut faire, c'est se faire coller. Et chaque fois que c'est elle qui surveille, comme ça, il se rapproche d'elle. Ça du coup, être elle, tu passes ta vie en heure de colle. Allez, moi, je vais te lire quelques messages positifs, Benjamin. Alors, attends. Clémentine. La question sur Facebook, c'était que conseillez-vous à Benjamin, Clémentine, de continuer à se branler tout seul. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Allez, hop. À 15 ans, il doit avoir plein de ch'tards. Laisse la puberté passer, mort de rire. Ah, ah, nous dit Antonio qui traque. Si vous avez 15 ans, il vient de vous traquer. Moi, moi ça me plairait pas. Perso, j'aurais 15 ans, je serais vexé. Jim, c'est forcément des ch'tards. Le pauvre, trop d'espoir pour rien. La meuf, elle a 20 piges. Elle va faire quoi avec un gars de 15 ans? Mais attends. C'est dead, le type, il a craqué dans sa tête. Dorian, lui, il est positif. Il dit qu'il essaye. On a tous un fantasme sur une de ses pionnes. Ah, bah, pas moi, parce qu'elles étaient pas super, mes pionnes. Mais bon, je les salue, c'était gentil. Je lui conseille de me donner son carnet à ce petit voyou. Je le vais demain à 8h30, sans faute, sur mon bureau. Le principal du bled qui t'envoie un message. Et allez. Merci à Zacharia, principal du bled, qui nous envoie tout ça là. Et Charline, fan de Plus belle la vie, et dans Plus belle la vie, Baptiste a bien pécho son avocate. Ah, 7 ans, 40 ans, ça passe, MDR. Tout en ce sens, au moins il sera fixé une pionne de 20 ans. Ça passe encore. Ouais. Ah, je vois que vous n'êtes pas tous négatifs. Il y a Manon qui lâche l'affaire et qui continue à faire du sport avec sa main gauche. Ou sa droite. Ah ouais. Tout le monde n'est pas négatif comme l'ensemble de l'équipe qui m'entoure. Quelle négativité. Non, mais il faut être réaliste. Hein. Vous êtes négatif, pas réaliste. Ah, non, Cédric, qui pourrait dire aussi, ouais, j'ai envie de niquer Rihanna. Bon, il ne la niquera jamais. Chope son numéro, appelle-la en masqué. On nous dit depuis tout à l'heure aussi. C'est bon, j'ai vu ton message, tu l'as envoyé 50 fois. Merci à toi. C'est Jbande. Appelle-la en masqué avec son numéro. Oui, bonjour. Bah, je sais pas, vous appelez quelqu'un. T'as des numéros de téléphone, Cédric? Ouais, ouais. On va prendre, merci, Jbande. On va l'énerver là-bas. Bon, allez, on va essayer, tiens, on va essayer la méthode de Jbande. Appelons des gens qu'on ne connaît absolument pas du tout. On leur dit quoi, Jbande? Non, on leur dit que. Ah non, je croyais que c'était la méthode Jbande. C'est quoi cette méthode? On leur dit qu'on les a vus, qu'on les kiffe, tout ça. Ah, d'accord. On va voir si la méthode du. Je vais essayer, Cédric, pour te rattraper de ton clash perdu d'hier. Après toi. Oh. C'est la classe. Ludovic. Bonsoir. Allô. Allô. Allô, Ludo. La femme de Ludovic. Je te la laisse. Pourquoi? Parce que charmante. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes la femme de Ludo, hein? Ah bah, ça... Allô. Est bloqué. Allô. Oui, vous m'entendez? Mal comprenante. Oui. Ah, très bien, moi aussi, je vous entends bien maintenant. Vous êtes la femme de Ludo? Oui. Oui, parce que j'ai vu Ludo, il m'a montré des photos de vous dans votre, sur son portable. Vous êtes magnifique, surtout la photo qu'il a prise quand vous dormiez toute nue. Ta gueule, espèce de connard. Elle est très belle, la photo. Et en plus, connard. Il m'a dit que tu étais super sympa et des petits mots d'amour comme ça, au premier coup de fil. Bâtard. C'est, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a des sentiments, moi. Ah, il se passe quelque chose, là. Entre l'amour et la haine. Ah ouais, mais je crois que là, elle a craqué. Mais complètement. Elle a craqué complètement. Non, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Elle était très polie. Ah bah, dès le début, j'ai senti quand elle a dit allô, je me suis putain. Bâtard. Ça va être ça, si. Ah, Jérôme. Allô, allô Jérôme. Ah. Allô. Ouais, Jérôme, comment ça va? C'est pas Jérôme. Ah, c'est sa femme. Oui, ça s'est loupé, Cédric. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Il y a un problème entre les sexes. Ça, c'est vexant. Allô? Oui, ouais. Vous êtes? Ben, je m'appelle Cédric, je t'appelais parce que Jérôme, il m'a parlé de toi et franchement, je t'ai trouvé super belle, quoi. Et je t'avoue que j'ai craqué pour toi, ma chérie. Je sais pas qui vous êtes, donc. Ah ben, je suis Cédric et on va faire connaissance, je vais venir à la maison. Est-ce que tu aimes les hommes à quatre mentons? Est-ce que tu aimes les hommes virils? Au revoir, monsieur. Bah, attends, ma chérie, raccroche pas. Elle a eu peur. T'as allô. Non, elle a eu peur. Non, mais là, déjà, tu t'as cru que c'était un mec. Est-ce que tu aimes? Bah ouais, c'est mal parlé. T'as lu. On va différencier les sexes quand même, Cédric. Non, mais au début, on aurait dit un mec. Non, mais je suis prête. Ah bah ok, bah nickel. C'est vrai qu'on arrête là. Bon, je suis pas sûr que d'appeler en masqué ça marche, Benjamin. Ne le fais pas, à mon avis. On a testé. Non, mais en plus, elle peut mal le prendre. Désolé pour Jbande qui avait eu ses couilles au téléphone. Oui, c'est clair. Bon, bah écoute, donc je sais pas ce que tu vas faire. Tu vas faire quoi, Benjamin, après cette discussion, après le témoignage de Romain? Merci Romain d'ailleurs pour le coup. Peut-être commencer par se branler un coup ce soir. Hein. Et puis voilà. Hein. Voilà, on va se tirer sur le nœud un peu. Des foules. Et après, je sais pas, je vais lui parler un peu, puis on verra bien. Oui, essaye de voir, de lui parler normal, hein, sans essayer de le draguer tout de suite. Ouais, hein. Voilà. Ouais. Avec de quoi avec elle, tu t'entends bien? Ouais, ça va. Ah, ouais. Tu disais que tu discutais et tout. Ouais. Et on va terminer. Ouais, bah, bon, la meuf, elle est sociable. C'est pas non plus. Ouais, moi aussi, je discutais. Avec un élève, quoi. Ouais, moi je discutais avec mes pions. C'est pas pour autant qu'ils m'enculaient, hein, à l'interco. Oui, ils avaient peut-être envie. En mode en mono, tu fais ce que tu veux. C'est vrai, mais je te le dis. Non, mais ça veut rien dire. Il faut pas s'emballer. La meuf, elle est sympa. Non, il faut pas s'emballer. Il faut l'emballer. Salut Max. Ouais, salut l'équipe, ça va? Salut à toi. 25 ans et tu es à Metz. Ouais, voilà, c'est ça. Eh, comment alors... que c'est? Ah, comment c'est? Parce que moi, je sais pas. Le ça va ou quoi? Ça va bien. C'est toi qui as serré ta prof d'italien? Ouais, voilà, c'est moi. Vas-y, alors, en fait, j'ai une nouvelle prof qui est arrivée, c'était la remplaçante. Ouais. Et elles sont bonnes, les remplaçantes, en général. Elles sont plus jeunes, déjà. Ouais. Mais t'avais quel âge? J'étais au collège, j'en avais 15. 15, tu vois, 15, Romain, on note bien, 15. C'est noté. Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je lui ai lancé un pari sur un devoir à la maison à faire. Comme quoi, moi, j'aurais tout juste, en fait. Et le pari, c'était que... Elle te suce si t'as tout juste. Ah, non. Si j'avais tout juste, on prenait un rendez-vous, on allait au cinéma tous les deux. Bah. Et sauf que moi, j'avais Internet, donc j'ai eu tout juste, quoi. Donc, il est pas con, le Max. Et voilà, donc du coup, je l'ai galoche au cinéma. Ah, tu l'as juste galoche, tu l'as pas... Et elle avait quel âge?

l'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des cheerleaders. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien de, si tu me parles, rien de, si tu me touches, rien de. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Bon, il est l'heure du clash de la drague. Allez, c'est parti. C'est parti, j'ai mobilisé les teams il y a un instant, ils sont prêts. Ils sont là, c'est Romano et Cédric. Cédric et Romano. Team Romano, je vous aime. Et c'est parti. Bon, allez, la team le belge. C'est pour toi, Cédric. Joël. On va chez Joël. Ça sonne chez Joël. Attention, oui. C'est parti pour le clash de ce soir. Allô, Joël. Allô. Joël. Il a fait un bruit. Joël. Ouais. Comment ça va, Joël? Tu vas bien? Ouais, ça va. Ah bah nickel. Dis-moi, je t'appelle parce que je suis commercial en sucette. Et on m'a dit que ta femme, elle aimait sucer. Donc je voulais passer à la maison pour lui faire goûter des nouveaux goûts. Bah si t'as pas d'amis, bouffe un curry, pauvre con. Ben, oh ma chérie. Oh là là, putain, elle parle. Wow. Non mais en plus, elle s'est trompée, elle a dit bouffe un curry. Oui. Eh ouais. Denis. Ouais. Ouais, comment tu vas? Ouais. Ouais, comment tu vas? Ça va, et toi? Bah, ça va. Alors, et ta petite femme? Bah, et la tienne? Ah, bah, nickel. Dis donc, là, tu sais, là, je me pose des questions. Là, aujourd'hui, c'était la journée de la bisexualité, là. Ouais. Et je me demande si j'ai pas envie de te taper dans l'oignon ce soir. Ouais, j'étais en train de me dire la même chose pour toi, tu vois. Ah, bah, écoute, le mieux, ça serait que j'arrive dans 5 minutes, et puis je crois que je vais t'enculer sévère. Certainement. Je pense que je vais te faire comme ça. Et puis après, toi, tu m'enculeras. Je me niquerai ta femme. Et puis après, on se la nique à deux. Non, une fois que je t'aurai enculé, tu vas me sucer la bite surtout. Ah ouais, j'aime bien les bites sales. Bon, bah écoute, je suis là dans 5 minutes, chérie. Bah c'est super, on fait comme ça. Ah, voilà. Et demande à tes potes de t'enculer avant, comme ça, ça te fera un petit peu le. Non, non, mais t'inquiète, tu veux qu'on prépare le trou. Mais le ouais, voilà, j'aimerais bien que vous prépariez un peu son trou. Quoi. Mais ah le trou, on va s'occuper de ça. Le trou va être prêt, je me le prépare au doigt, t'inquiète. Oh. C'est bien ça. Mmh. Je vais bien l'écarter. Mmh. Bon, bah écoute, je te dis à tout de suite alors. À tout de suite. Mmh, bisous. Et voilà, ça c'est du serrage. Oh, vous avez galéré au début. C'est ça qui est bien dans ça. Ça c'est du serrage. Et à la fin, vous nous faites la démonstration. Classe et vulgaire totale. Comme j'aime. On va chez qui? Cédric, avec son opération du sexe. Tu ferais mieux de te le faire laver, le sexe, avant de te le faire opérer. Ah, t'inquiète, nous dis, tout nous dit sur SMS, rom, mano. Fais la gueule en plus. Allô Stéphane. Allô. Ouais Stéphane, comment ça va? Ça va, c'est qui? Bah c'est François au téléphone. Hein? François, un ami de ta femme. Elle est là ce soir? Ça t'est marré peut-être. Non, je parlais qu'un pote, on rigolait un petit peu entre nous, on se faisait des blagues. Bon, tu me passes ta femme ou je joue avec toi? Bah tu es enculé. Ah bah justement, je voulais passer à la maison. Bah ouais, t'y refoutes, connard. Bah mais je voulais voir ta femme, je voulais lui montrer mon sexe, il est tout neuf là. Bah tu es enculé, je te dis. Je viens de me le faire allonger là, je voulais le montrer à ta femme. Je peux venir dans 2 minutes? Ouais, Stéphane, t'as peur ou quoi? Vas-y, raccroche. Ah merde! C'est c'est qui lui? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est la femme à François? Oui. Oui, est-ce qu'il serait disponible? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis. Oui, je vais l'appeler. Eh ben, c'est bien gentil. C'est quoi, c'est... De rien. C'est une dame polie, Romano. Bah, et alors, j'ai rien dit, moi. Non, mais j'ai rien dit. Non, mais c'est bien. Bah, moi aussi, j'ai été très poli. Allô? Peut-être là que ça va se gâter. Oui, allô, François. Allô? Oui, bonsoir, François. Oui? Oui, bonsoir, excuse-moi de te déranger, c'est Jean-Louis à l'appareil. Alors, Jean-Louis, il faut me remettre parce que. Ah, bah, justement, je voulais te remettre ce soir, là. Bon, j'habite pas loin, là, dans le quartier, là. J'aurais besoin d'un petit service. Mais Jean-Louis, lequel Jean-Louis? Parce que. Du bout de la rue, là. Du bout de la rue. Tu vois à peu près? Pas du tout. Bon, de toute façon, tu vas me voir parce que je vais arriver chez vous dans 5 minutes, là. Et pourquoi faire? Eh ben, parce qu'en fait, je t'explique, j'ai un petit problème. C'est que mon sexe est tout dégonflé. Et j'aurais besoin de ta femme pour qu'elle souffle dedans. Et ben, ma main dans la gueule aussi. Bah, écoute, si tu veux, mais avant, j'aimerais bien qu'elle souffle dedans quand même. D'accord. Donc, je viens dans 5-10 minutes? D'accord. Et puis, ma main dans la gueule avec un coup de fusil dans le cul aussi. Ça Dans le cul, le rêve. Je n'attendais que ça. Bah, je suis là dans 5 minutes. Bon, François. Je t'embrasse. Eh bien, c'est un fusil. Bravo, Romano. Ah bah, arrête sexuel. Arrête sexuel, il va te mettre une main dans ta gueule. Et Romano, as-tu retrouvé le... Prends-toi un peu fluide dans le cul, tu verras ici, c'est pas sexuel. Ah, c'est pas sexuel. Le fluide est en toi. On va chez qui? Parce qu'en fait, Cédric, toi, ça a duré 10 secondes, en fait, ta prestation. Allez, on va chez Vincent. Oui. Allô, Vincent. Allô, monsieur Biloute. Comment ça va, toi? Monsieur Biloute. Ça va nickel? Comment? Bah, ça va nickel, et toi? Bah ouais, pas mal, t'es où là? Bah là je suis à la maison, je voulais passer chez toi. T'as pris pour quelqu'un d'autre. Allô? Attends, j'entends deux voix là. Non, c'est la télé. C'est la télé, c'est un programme à la con, tu sais. Ouais, tu peux me passer Marc? Marc il est aux chiottes là. Il est aux chiottes hein. Ouais, il est en train de défoncer les chiottes là, je peux te dire que... Laisse tomber. T'entends les bruitages? Bon, et Marc Corollaire parce que... Ouais. Là, c'est une voix que je reconnais, mais... Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir à la maison. Je voulais venir voir ta femme. Mmh. Toi, tu parleras avec Marc pendant que je m'occuperai de ta femme. Ouais, d'accord, ok. Ce soir, je suis un peu chaud, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ça, ouais. J'ai parlé un petit peu avec elle dans la semaine. Elle m'avait dit qu'elle voulait que je passe à la baraque. D'accord, ok. Donc Marc, il fera diversion, puis moi, je me la taperai dans la chambre. D'accord, ok. Ah bah, génial. Mmh. Écoute, on arrive de... Là, il sort des chiottes, et puis on arrive dans 5-10 minutes. D'accord, pas de problème, ok. À tout de suite. Ok. Bisous mon amour. Ah. J'arrive. Une gastro-marque. À tout de suite. Et voilà. Très bien. Bon, ouais, mais bon, fallait peut-être rentrer un peu dans les détails. Malgré tous les bruitages. Ouais. C'est vrai que t'aurais pu aller un petit peu plus loin dans le sexe. Oh, attends, ça mais va, je vais taper sa femme, t'es gentil. Romano, à toi. Ah, mais bon, t'aurais pu raconter ce que t'allais lui faire. Oui, il te reste un coup de fil et un rappel. Chez Alain. Coup de fil, rappel, et après, vote pour le clash de la drague. Cédric. Ah. Allô Alain? J'écoute. Oui, bonsoir, c'est Alain? Vous êtes? Je suis Jean-Louis, un ami de ta femme. Je suis secouriste à la Croix-Rouge, là. Ma femme? Ouais, t'as une femme? Non. Ah bah écoute, ce soir je peux être ta femme si tu le souhaites. Pour la soirée, là, tu fais rien ce soir? Vous êtes vraiment des abrutis, allez vous faire foutre. Oh ouais, écoute, sur un autre ton, Alain, s'il te plaît. Hein. Moi, je voulais t'apprendre le bouche à bouche. Raccroché. Bah, je le rappelle. Tu me rappelles, allez, on met le rappel en route. T'as le con, il a pas de femme. Et puis, il a ta femme. T'as pas de chance, oui. Bah, tu peux lui dire que tu veux faire sa femme. Mais il lui a dit. Bah, je lui ai dit, mais mec, il m'a traité d'abruti. Alors que tu lui offres quand même ton cul. Allô, Alain? Oui. Oui, bah, je viens, moi, dans 5 minutes. Hein. Tu es qui? Bah, je m'appelle Jean-Louis, je travaille à la Croix-Rouge et j'apprends les gestes qui sauvent, le bouche à bouche, massage et tout ça. Bah tu te fous un doigt dans ton cul et puis tu le suces après. Bah je préfère. Tu vas voir sa fringue sucette. Mais j'aimerais bien que tu me le fasses. Eh ben écoutez, si vous voulez vous faire une sucette, on aura appris ça ce soir. Une petite recette de cuisine. Je souhaite la loose ultime. Allez. Allô? Oui. Ouais, bonsoir, c'est Jean-Yves? Oui. Comment vas-tu? Oui, mais c'est qui? Bah, c'est un de tes voisins, c'est François au téléphone. Qui ça? François, un de tes voisins. On se connaît pas encore. Tu vas bien? Bah, oui, hein. Bah, nickel. Je t'appelais parce que ce soir, là, il s'est passé un truc bizarre chez moi, là. J'ai l'impression qu'il y a un esprit qui entre ma baraque. Et donc, du coup, j'aurais bien aimé venir dormir chez toi parce que j'ai un petit peu peur, tout seul. Ouais, je peux pas te recevoir ce soir, hein. Bah, vas-y, s'il te plaît. Oh, bah non, écoute, moi, je peux pas. Oh, je dormirai avec ta femme. Mais non, écoute, je dors déjà avec la tienne, tu peux pas dormir avec la mienne. Bah, ce que je fais, c'est que je te laisse avec ma femme dans le salon et puis moi je me taperai la tienne dans ta chambre. Ah non, pas question, hein, mon vieux. Hein. Bah écoute, elle m'a envoyé un message tout à l'heure, elle voulait que je passe à la maison ce soir. Là, ta femme, déjà, elle est dans la brouette, là. Je suis en train d'y faire sa fête, hein. Tu me casses pas les couilles, hein. Bah fais-lui sa fête et puis moi je m'occupe de la tienne pendant ce temps-là. Bah non, c'est pas possible, tu sais très bien. Bah écoute, j'arrive tout de suite et puis bah je m'occupe de ça, d'accord. D'accord, allez, à demain. Non, tout de suite, là, dans 5 minutes, je suis chez toi, là. Je peux te dire que ta femme va manger, mon chéri. Allez, salut à poule. Avant à manger, à tout de suite. Voilà. Bisous. Voilà, il a pas dit non. Jérôme, alors allez, vas-y. Allez, Jérôme. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Mmh. Allez, viens, parle à mon bébé. Ah, Jérôme. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? C'est qui? C'est un copain de ta femme. T'as l'air un non, petit. Non, c'est une blague. C'est pas une heure pour appeler chez les gens, là. Eh, Pépé, tu te détends 5 minutes, là? Non, je me détends pas, non, c'est ah, qui? Ah, bah si, c'est Jean-Louis à l'appareil, parce que là, je vais venir chercher ta femme, moi. Ouais, ça, t'as raison, et ta gueule. Ouais. Hey, oh, pop. Sur un autre ton, quand même. C'est nous, et on est en direct, et on est avec, avec Steven. Oui, Steven qui veut devenir enquêteur sur les phénomènes paranormaux. Private Ghostbusters. Ouais. Eh bien, ça existe. C'est les messages que vous nous avez laissés depuis tout à l'heure. Ça existe. J'ai déjà vu ça. Ah oui, à la télé. Oui, on en parlait tout à l'heure des émissions de Ghostbusters. Ghost Hunter aussi. Ouais, eh bien, Ghost Avenger. Mais lançant en France, je suis sûr que ça va être un super credo. Vous avez regardé sur Google s'il y avait des chasseurs de fantômes? Des boîtes de chasseurs de fantômes. T'as déjà regardé, toi, Steven? Tu t'es renseigné ou pas? J'ai regardé sur Google. Bah, les vidéos que je vous ai parlé tout à l'heure, c'était sur YouTube en fait que je regardais depuis 2 ans. Ouais, mais est-ce que t'as regardé s'il y a des mecs qui existent en France? Ouais, des boîtes. Ouais, ça existe. Il y en a sur Lille. Ah ouais. Les Lillois, faut arrêter la binouze. Il n'y a pas de binouze. Non, je bois pas. Alors attends, mais tu dis, je vais quand même te dire des trucs. J'espère que ça va pas trop vous faire flipper. Voici donc les messages. Ouais. Les messages que nous avons reçu sur le 41759 sur l'appli Skyrock. Attention. Un jour, mon micro-ondes s'est mis en route tout seul, nous dit Julie, 28 ans. Je peux vous raconter une histoire vraie. Ma mère tirait des cartes à une amie et la vérité est sortie. Appelez-moi le Joker qui nous envoie un message. J'ai déjà vu une ombre blanche chez moi, alors qu'aucune lumière était allumée. Mais c'est la lumière de l'extérieur, ça. Voilà. C'est la lune. Ouais. La lumière extérieure, peut-être que son volet était fermé. Non. J'ai déjà vu la dame blanche sur la route. La preuve, ma mère était à côté de moi. Ouais. C'est ta mère qui t'habille en blanc. Ouais, c'est ça, ouais. Non, tu veux dire que ta mère l'a vue en même temps, alors? Non, mais c'est peut-être ta mère était peut-être la dame blanche. Regarde. Je vis avec Marie. Et quoi? Et qu'est-ce que c'était écrit? Ah, elle passe sa vie devant le frigo. Oui, et alors? Bah, et alors? C'est pas paranormal. Tu vois, 2039 par exemple. Ma tante est allée voir une voyante et lui a dit que mon oncle allait mourir dans un accident. Et il s'est suicidé 3 ans après. Mais suicide, c'est pas un accident, elle s'est trompée. Ah, elle s'est trompée, exactement. Ouais. Ah, attendez, j'ai tu vois, non, mais ça. Je lis les messages tels qu'ils arrivent. Romano aussi, hein. Ouais. Parce que, tu sais que, par exemple, tu vas voir une voyante et te dis, ouais, vous allez mourir. Bah oui un jour, ça arrivera. Bravo, madame. Le plus tard possible, mais tu vois, c'est quand même une prédiction de merde, quoi. Ouais, c'est ça. Les messages tels qu'ils arrivent en faisant du spirit. Il m'est déjà arrivé des histoires de fous, nous dit Titoun. Il y a Erko qui nous laisse un message aussi et qui nous dit que lui aussi, il a fait du spiritisme et un verre s'est cassé, trop flippé. Bah tiens, il y a Nas. Un jour, j'ai laissé une ampoule allumée, au bout de 6 mois, elle s'est éteinte toute seule. Oui, elle a grillé, oui. C'est quoi, wow, impressionnant. Non, c'est vraiment paranormal. Impressionnant. C'est bien la première fois qu'il y a des esprits dans la radio libre. Pas mal. C'est Flo qui nous envoie un message. Merci Flo, tu vois, t'as bien fait d'appeler Steven. Et j'ai Anto. Allez, Anto en direct de Mulhouse avec nous. Salut Anto. Coucou. Salut tout le monde. Salut Anto. Coucou. Alors. Salut les filles. Salut. Alors ça va? Comment ça va dans ta tête, toi? Hein? Moi, je suis nickel. Enfin, je pense. Hein. Ah, tiens, belge. Attends, on va te faire un diagnostic. T'inquiète pas. Ouais. Alors, dis-nous, Anto. Moi, en fait, c'est ma mère. Oui. Depuis tout petit, en fait, elle me raconte des choses. Genre, elle a hyper peur des esprits. Ah. Et genre ma mère vraiment elle a super peur de ça parce que genre soi-disant elle a vécu des choses de fou quand elle était jeune. Mmh. Oh. Elle buvait non? elle était dans la cam. En fait. Mais genre, tu racontais ça, mais genre, t'avais quel âge? C'est horrible de raconter ça. C'est des histoires pour dormir quand il avait 2 ans. Ouais, tu sais, genre. Viens, mon fils, je vais te raconter une histoire. Oui, j'ai vu des fantômes. Oui, des fantômes qui viennent te manger la nuit. Ouais, c'est ça. Bonne nuit, mon fils. Mais non, parfois, on en discute même encore maintenant. Genre, bon, vite fait, mais genre, parfois, dès qu'on peut parler de ça, on parle de ça, quoi. Ouais. Et en fait, elle a déménagé. Elle habitait dans une maison. Et après, elle a déménagé dans une maison. Enfin, Marwan. Oh. Et en fait, ils étaient à l'étage. Et elle était avec ses sœurs et tout. Et elle avait un poste de radio. Et il y avait encore les cassettes. Les vieilles cassettes. Ah, on revient aux cassettes. Les cassettes sont hantées, je vous le dis. Comme les chasseurs de fantômes à la française. Exactement. Voilà. Et en fait, la cassette, elle se mettait tout le temps en route. Et c'était la danse des canards, la musique. La danse des canards. C'est sympa, putain. C'est l'esprit des canards. C'est un peu ça. Quoi, mais genre, ça quoi, fait trop flipper la danse des canards, je veux dire, tout fort comme ça. Et du coup, ils arrêtaient la musique tout le temps, et la musique, elle se remettait constamment en route. La danse des canards. Non, mais elle était bien, ta mère. Non, mais tu fous de nous, là. Non, mais c'est une famille de drogués. Je vous le dis, les ravages de la drogue. Non, mais sérieux, tu fous de notre gueule. La drogue a frappé à la. Trompe-toi, Romano. C'est qui l'a eu au standard? Tout est vrai. C'est moi. Marie, ouais. Marie, je suis. Mon père a bien vu. Et Marie, toi, t'y crois, toi. Une table. Un auditeur t'appelle et te dit, ouais, il y a la danse des canards. Non, mais Antoine n'a pas vu. Ah non, oui, non, mon père aussi m'a raconté des trucs, j'ai pas mais vu. Mais ton père était bourré au Rhum, on t'a dit tout à l'heure, Marie. Oui, mais je m'en doute. Eh, il a dansé à la queue-leu-leu. Et ouais. Qui est pas dans des canards, ouais. À la queue-leu-leu. Ah non, mais ouais, non, mais tu nous prends pour des cons. Non, mais écoute. Avec tout ce qu'on a lu depuis tout à l'heure et les messages continuent, continuent de défiler. Il faut que tu fasses ce boulot, Steven. Deviens chasseur de fantômes ou alors psychiatre. T'as deux solutions. Je vous entends mal, l'équipe. Chasseur de fantômes, c'est les esprits ou psychiatre. On est possédé par les esprits. C'est bouh. Non mais tu vas te faire attaquer une thune. Hein. Non mais allô. Et c'est le téléphone. Ouais, non, il est possédé par l'esprit, Romano. Il faut que tu fasses chasseur de fantômes. Voilà. Mais oui. Ah, mais tu montes une société. Non mais fais-le hein, avec des mecs comme Steven, tu vas te faire de l'argent. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas ma priorité première quoi, mais j'aimerais bien. Tu fais quoi comme boulot en fait dans quand t'es normal? Moi bah rien du tout. Rien du tout. Quand t'es normal. Je suis jamais normal. Là je suis à l'asile, pourquoi? Je suis sur Google, je suis en train de chercher chasseurs de fantômes, mais j'en trouve pas. Je trouve plein de vidéos à la con où tu vois des ombres et tout ça. Oui, vas-y. Oui. Sur Google, tape TAPS. Parce que là, j'ai tapé chasseur de fantômes adresse et ça me retrouve aucun truc de chasseur de fantômes adresse. C'est complètement donc, arraché, okay, les mecs. Il y a des vidéos de cul de fantômes. Taps. Pas une rubrique sur YouPorn. Ouais, la dame blanche non, qui se fait sauter par Casper. Casper, le petit fantôme, il encule la dame blanche. Non, mais j'ai déjà vu. Tu l'as vu, Casper encule la dame blanche? Non, j'ai pas vu ça. Non, j'ai vu une fois à la télé, montrer la. Ouais, c'est super ton truc. Taps. Non, mais la bonne femme, elle était à poil dans le château hanté. Ah ouais, pas mal. Bah tiens regarde, je suis allé sur j'ai tapé Taps et j'ai des photos de robinet. Ah ouais, putain, effet, effectivement. Ça c'est paranormal. Tu dis c'est bizarre. Tu dis c'est un barge. Oui, ça vu ça. Ouais. Bon bah écoute, Steven, tiens au courant, on va te laisser, tu nous fais flipper. Renseigne-toi mais hein, voilà. Je pense que ça peut être un beau business. Je sais pas, non. Non, bah, ouais, non, mais moi, j'aimerais bien mettre ça en place, quoi. J'aimerais bon, bien. Si vous connaissez les sociétés qui le font, pour de vrai, je vous dis ça. Non, sérieux. Non, mais sinon, de toute façon, tu peux toujours essayer, après. Bah ouais, ouais. Tu te fais des petites cartes de visite, Steven de Dunkerque, chasseur de fantômes, et puis, on t'enverra du côté de l'Alsace chez Anthony, hein. Chez sa mère, ouais. Ah, Anto, on ira. Oui. On t'enverra. Non, maintenant, c'est trop tard. Maintenant, ils ont brûlé la cassette. Ah, la cassette. Voilà. Ah merde, plus danse des canards. Elle s'est autodétruite. Plus danse des canards. C'est vraiment triste. Et ouais, l'enregistrement s'est autodétruit, comme dans Mission Impossible. Ouais, ouais, pareil. Je suis à Mulhouse en déplacement. Ah, tu flippes, c'est normal. Ah oui. C'est Clem du 83 qui nous laisse un message. Il y a Anto dans le coin. Ouais, bon, bah merci Anto. Et puis, bah, merci aussi à toi, Steven. Steven, donne-nous des nouvelles. Et puis, si on a des adresses, on te les donne. Bien sûr. Ok. On transmet. Okay, c'est inquiétant, les gars. Oui, après. Mais tout est possible sur Skyrock. Merci de m'avoir reçu. Hein. Tu reviens quand tu veux. Salut, Steven. Merci à toi. Et t-shirt Skyrock à tous les deux, on vous envoie. Hein. Anto de Mulhouse, Steven de Dunkerque. Tous les soirs, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et sur Skyrock, c'est la plus grande radio libre de France de 21h à minuit tout l'été, du lundi au vendredi. Les meilleurs moments de Difool sur Skyrock avec un super délire qu'on s'est tapé avec Fares au téléphone. Fares, c'est un chauffeur Uber qui a pécho Monique. C'est une cliente de sa voiture et elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 30 ans, elle n'a pas 40 ans. Quel âge a-t-elle? On découvre tout ça tout de suite sur Skyrock. Juste après Drake et One Dance. I need a one dance, got a Hennessy in my hand.

C'est bien, ouais, une Marseillaise. Sais, en plus, grave. Romano est sorti avec une Marseillaise déjà. Ouais, c'est peut-être toi d'ailleurs. Ah, bah, voilà. Non, j'ai pas même. Non, c'est pas. Eu l'honneur. C'est un A, mais c'est pas le même prénom. C'est, ah, c'est ouais. Mamouta. Ouais, avant, non, c'est... Oui, avant c'était Mamouta. C'est un peu trop tard pour moi, je pense. Oui, je pense aussi, Romana. Donc, honneur aux filles, hein, Philippe. On va demander à Romana ce qu'elle en pense. Ouais, clairement, clairement, honneur aux filles. Salut Philippe, merci. Salut. Allez. Ouais, bon, vous voulez que je vous raconte mon histoire alors? Vas-y. Bah, moi j'en ai eu deux, ce que j'ai raconté en fait. Genre, une fois je faisais l'amour avec mon chéri dans la douche et ça a dérapé. Ah, il est rentré, il faisait l'amour dans le vagin normal et il a dérapé, ouais. Il est sorti, ça a glissé, dérapage incontrôlé. Ah ouais. Non, mais en fait c'est rentré dans les fesses, hein. Oui, c'est ça, ouais, dérapage dans l'anus. On a compris, ouais. Ah oui, fais attention quand ça dérape. Aïe. Ah oui, voilà. Ça, il paraît c'est que ça fait super mal, ça. Ah, mais ça fait trop mal, mon gars. Mais je te jure, je crois que je me prends une droite de Mike Tyson, ça fait pas aussi mal. Non, mais c'est... Ah bah, il y a des filles qui ça fait pleurer, ça, tellement ça fait mal. Ah, mais moi j'ai hurlé, mais j'ai pleuré. Genre, c'est ce que je vais expliquer à Karim, je crois que c'était. Ah, Karim. Genre. Je vois que tu es très porté sur le. Oui. Il est rentré dans les détails, Karim. Oui. Ton micro ne marche plus. Ah bah. Non, mais pas du tout. En fait, j'ai tellement eu mal que, enfin, limite, j'ai fait peur à mon copain, quoi. Il est sorti de la salle de bain. Et genre, il a trippé parce que tout le monde m'entendait gueuler. Genre, sa mère en bas et tout, elle croyait que, genre, mais j'étais. Ah, il y avait des parents en bas. Ah, putain, ouais. Ouais, mais genre. Enfin, après, on faisait pas de bruit spécialement, tu vois, mais genre. Oui, mais quand t'as hurlé, ils ont dû l'entendre, ouais. Oh ! Ah ouais, mais ils croyaient que je m'étais pété une jambe ou quoi dans la douche, hein, franchement. C'était juste le. Mais quand ils sont montés, parce que j'imagine que tes parents, ils sont montés. Quand ils sont montés, tu leur as dit quoi ? Ah, je me suis fait enculer, vous inquiétez pas. Ah, j'ai mal au cul, vous imaginez pas votre fils qui m'a mis, quoi. Non, mais en fait, ils sont pas montés. Mon copain, il est sorti et tout. Il a fait, ouais, c'est rien, on a fait tomber la chaise. Ou je sais pas, t'as sorti une connerie et tout. Mais genre, improbable, j'avais trop mal, quoi. Je hurlais de douleur. Ouais. Ah bah oui, on imagine, ouais. Ah non, mais ça fait hyper mal, hein. On parlait d'un suppôt, c'est comme tout petit à côté d'une bite. Ah bah, c'est minuscule, ouais. Ah ouais, franchement, ouais, ça fait mal, hein. Non, mais surtout, ce qui se passe, c'est que t'es pas préparé à te. Voilà. Ah ouais, voilà, franchement. Ouais, surtout, à la limite, bon, quand t'es au courant que ça va t'arriver, ouais, quand tu le sais, tu te prépares psychologiquement. En plus, c'est genre. T'es surprise. En plus, c'était au début, tu vois, donc, enfin, je veux dire, c'est. T'étais pas sous la douche, mais bon, c'est pas glissant non plus, quoi. T'avais quel âge à l'époque? Ah, c'était il y a quoi? Enfin, c'était il y a longtemps, c'était il y a deux ans, quoi. Genre, ouais, t'avais 18 ans. Genre, il a juste rentré le bout du gland ou il est tellement fort que c'est rentré jusqu'au ventre? C'est rentré d'un coup. Franchement, je pourrais pas te dire. Il a rentré les couilles dedans. Ah ouais. Il a tout qui est rentré. Ouais, en fait, il y met fort. Toi, tu devais être vachement mouillé et il a dérapé, quoi. Ouais, bah, ça arrive. Ouais, c'était arrivé, mais, toi. Mais c'est horrible. Ouais. Et une autre fois, là, c'est un autre truc. Il y a pas longtemps, pour tous ceux qui disent de mettre de la crème, franchement, faites gaffe à la crème que vous mettez. Oh, la crème fraîche, c'est la base. Ouais, mais non, pas la crème fraîche. Ça va pas être bon, ça. Il y a peut-être deux mois, même pas, tu vois, genre, j'avais super irrité, mais genre que les fesses, tu vois, la peau des fesses. Et la peau des fesses, c'est un. La peau du cul. Ouais, mais genre. Ouais, voilà, mais c'était peut-être un collant ou un jean, tu sais, qui m'avait irrité, ou selon où je me suis assise dans la journée, tu sais. Ouais, des fois ça arrive, ouais. Tu peux avoir quelque chose. Ça rentre pas dans ton cul. Non, mais là, c'était non, sur les fesses, Marie. Ah ouais, oui. Mais tu sais, c'est sur la peau des fesses, genre selon si t'es en robe ou quoi, ça peut. T'avais le cul tout rose. Et puis c'est joli, ouais. Ouais, c'est voilà. Mignon. Et genre, mon copain, j'ai dit, ouais, bah, mets-moi de la crème, je sais pas, c'est quelque chose, j'ai trop mal. Et ce con, il s'est amusé à mettre du baume du tigre. Mais j'étais limite j'étais presque en levrette, quoi, quand il me la mettait, la crème. Et ce con, il s'est amusé à me la frotter sur l'anus, le baume du tigre. Ah non, mais c'est un ouf. Alors, expliquez ce que c'est le baume du tigre pour ceux qui connaissent pas. En fait, le baume du tigre. C'est une crème, genre qui. C'est un baume thaïlandais. Voilà. Oui. Ouais, t'arraches le. Bah, en fait, ça devient froid ou chaud, ça dépend de quel. T'en as deux, en fait. Ça chauffe le muscle, en fait. C'est ça. Ça fait quoi au muscle? Ça refroidit. La chauffe, le chaud. Ça dépend, t'en as un qui chauffe, un qui refroidit. Voilà. Mais ça fait comme une sensation de brûlure, en fait. Cas, c'est tellement puissant. Moi, j'avais l'impression d'avoir un piment dans le cul, hein. C'est ça. C'est tellement puissant qu'il y a. Eh bien, ça, Romana, c'est pour la prochaine fois. Là, il y a des pays où c'est interdit pour te dire comment c'est fort le truc. Donc, ah ouais, mais en France, t'en trouves ça? Je crois que c'est interdit en français. J'ai pendant un quart d'heure sur mon anus, genre, pour faire du frais parce que ça faisait trop mal. Alors, moi, tiens, Romana, petit témoignage, là. C'est Coximel qui nous laisse un message. J'ai une copine qui a eu une fissure anale suite à une sodomie. Elle a dû arrêter pendant 2 mois. Ah ouais. Ah non, mais quand t'as ça, ouais, arrête de travailler. Non, mais moi j'ai pas eu de sodomie, hein. Enfin, elle était si. Vraiment pas si, volontaire. Hein, oui, ça c'était, ouais. Un dérapage, toi, Ouais, voilà, c'est un dérapage. Et toi, Philippe, Et le baume du tigre, en France, on en trouve un. Hein. Ok, ah, c'est confirmé. Bien sûr qu'on en trouve. Si vous voulez vous détruire le cul, un petit baume du tigre. Mais faites gaffe parce que quand t'en mets, en fait, t'as beau te laver derrière, si t'en as trop mis, ça. Ça reste sur les mains. Ouais. Ah putain, c'est. On lui dit que le baume du tigre est à base d'huile essentielle de camphre. C'est ça. Ouais, et de menthol. Ouais. Elle a dû chanter la Marseillaise, c'est des fous. Jess qui nous dit ça. Ah, je l'ai chanté en thaïlandais, la Marseillaise. Et prochaine étape, Romana, le piment. Bah voilà, prochaine étape, oui. Ouais. Allez, le petit piment. Bon, enfin. Ah, super. Ouais, c'est là. Là, le truc en fleurs. Ouais, un peu, un petit peu, on va dire ça comme ça, non, pas du tout, non, je suis pas dans ce délire-là. Enfin, quoi, c'est pour dire, en fait, avec ma femme, quoi, donc on a déjà fait plusieurs fois, la sodomie. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, on lubrifiait pas suffisamment. En fait, ce qui se passe, c'est que ça faisait même effet, en fait, ça, elle irritait, en fait, on a été consulter un médecin, et en fait, c'est pas assez lubrifié, quoi, ça, le truc. Ah, mais vous avez dit au médecin, je l'ai enculé, elle a mal au cul. Bah ouais, mais on l'a pas dit ça comme ça, Romano, on a dit voilà, quoi. En gros, ça voulait dire ça, quoi. Ouais, mais voilà, mais j'ai pas dit au médecin, bah t'as vu, j'ai enculé ma femme, voilà. Non, mais j'imagine, mais Bah pourquoi? Au final, t'as raison de l'avoir dit, tu vois, pour un bon diagnostic, mais ça, je me verrais mal chez le médecin, oui, bonjour, je viens vous voir, donc j'ai sodomisé mon épouse. Oui, tu vois, des trucs comme ça, où après, bah, faut aussi, il y a quelque chose qui va pas, faut aller consulter, enfin, moi, je pars juste de ce principe-là, quoi, après, voilà, on va chez le médecin, il est censé garder ça pour lui, quoi, à moins qu'il fasse des films derrière. Il a rigolé quand même, au final. Ouais, j'imagine que le soir, il doit se prendre la gueule avec sa femme en parlant Il y a un couple aujourd'hui, dis donc. Moi, j'imagine le métier de proctologue, ça doit être difficile quand même. Ah, tu te réveilles le matin, tu prends ton petit café, tu manges du chocolat, ou je sais pas. Et juste après, tu vas avoir des trous du cul, mais toute la journée. Ah ouais, c'est ça. Tu passes ta journée dans des trous du cul. Ah, et a priori, tiens, Erwan Nos, là, sur les messages, il nous dit le meilleur truc pour les irritations, c'est l'huile d'amande douce. Mm-hmm. Véridique, ça me soulage mes hémorroïdes incroyables. Et big up à Erwanos qui nous écoute d'Amsterdam. Ah, big up, tu dois t'éclater toi, dis donc, tiens. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça marche bien ce truc-là. Ma grand-mère, elle en foutait partout à chaque fois qu'on avait des irritations et c'est canon ça. Ouais, l'huile d'amande douce. Ah, donc des irritations à l'anus, Marie. Non, pas à l'anus, à lutter contre ça. Ma grand-mère en avait, t'es mal. Déjà, c'est une famille, quoi. Philippe. Oui. Ouais, du coup, il vous a donné quoi pour la. Bah, en fait, vaseline, quoi. Mais bon, il nous a carrément dit, après, je pense qu'il a exagéré un peu le truc, ça pouvait venir en prolapsus, quoi. Ah, prolapsus, qu'est-ce que c'est? Descendre d'organes. Prolapsus, c'est justement, en fait, l'anus qui s'en met pas comme il faut, c'est c'est descendre d'organes. Ah, sorti, là. C'est l'anus en fleur. Comme ça, paraît-il. Après, je pense qu'il a dû exagérer un peu le truc, quoi. C'est mignon, ton anus, ça devient une rose. Ouais, mais en fait, en plus, j'avais été voir sur Internet, le prolapsus, c'est immonde, faut quoi. Faut pas taper ça sur Google, j'ai déjà fait. Ouais. Mais c'est atroce, mais ça. Alors, ne tapez pas prolapsus sous Google. Alors, ça, c'est ce qui est pratique, c'est que ton anus, c'est comme s'il y avait une rallonge, tu sais, tu peux le prendre dans la main, quoi. Ouais, mais c'est atroce, ça te sort de là-dedans, j'ai vu des trucs, mais c'est atroce, ouais, atroce. En fait. Bah, en fait, ouais, c'est le nom médical de la descente d'organes. C'est fou, c'est horrible. C'est horrible, ouais. C'est clairement horrible. Je pense qu'il a exagéré le truc, tu vois. Ah, Cédric est directement allé voir. Oh là, putain, je crois que j'en ai un. Hein. Oh, c'est moi qui suis en photo. Oh allez là, voir. Je crois que j'en ai un, hein, terrible. C'est des frissons, ton. Allez voir Google, je suis sur Google. Ah, Google. Merde. C'est diable. C'est vrai, c'est pas beau. Hein. Merci en tout cas du témoignage. Merci Philippe. Oh. Merci Fifi. Bonne soirée à vous l'équipe. Il y a une gratte un petit truc. Ouais, on t'envoie ou le Street Fighter 5, le jeu de la semaine. Allez. Ouais, bah c'est parti. Alors on t'envoie ça. Cool. Bonne soirée à vous et merci soirée. En tout cas. Et un petit bisou au trou du cul de ta femme. Hein. Ouais, ça va. Je m'en prépare, mets-le de ta part. Et Romana, on t'a pas oublié. Toi aussi, tu peux prendre ton jeu si tu veux. Le Street Fighter 5. Mais il y a pas autre chose parce que moi je joue pas à la Play. Ah bah tu joues pas la paix, on a le t-shirt Skyrock, on va t'envoyer. Tu t'habilles. Allez, t-shirt Skyrock à la maison, comme ça on t'habille. Ouais. Tu seras toute belle dans les rues de Marseille. Tous les soirs de 21h à minuit. What the fuck, Difoulé sur Skyrock. Et tout l'été, 21h minuit avec Difoulé et toute l'équipe, c'est Radio Libre sur Skyrock. On va retrouver les pervers de Pamela, Alain, le pervers soumis qu'on a retrouvé hier soir. Et bah, deuxième épisode à suivre dans un instant. Plus Fares et Monique. Fares, je vous le rappelle, c'est le chauffeur Uber. On était au téléphone avec lui tout à l'heure. Il est en route pour aller voir Monique, sa cliente qui n'a pas 20 ans, pas 30 ans, pas 40 ans, bien plus. C'est la cliente vieille qu'il a essayé de serrer. On va découvrir comment ça se passe sur Skyrock. Envoie 1500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1500€ dans le Morning Daddy Fool. Mais oui, The Morning Show. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coup d'un SMS. Cet été, Sam débarque dans les dédicaces sur Skyrock. Dédicace! À tout moment, balance ta dédicace à ton pote Sam en direct sur Skyrock et gagne deux places pour le Whoop à la rentrée. Un spectacle exclusif réservé aux auditeurs de Skyrock et aux potes de Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Major Lazer.

Oui, bonjour. Oui, tu me reconnais, c'est Pamela. Oui. Oui, tu vas bien? Ah oui. Ça va, t'es tranquille là? Oh oui. On peut rester un petit peu en ligne? Bien sûr. Tu sais que ta voix m'excite terriblement. Oh bah, la tienne aussi. Oh. J'ai envie de me caresser. Vas-y, ma chérie. Oh. Oh. Vas-y, mon amour. Ah, oh, vas-y, Alain. Ah, oh, dis-moi des choses, Alain, dis-moi des choses. Donne-moi ta chatte. Ah, tiens, ma petite chatte. Je te laisse le pito. Ah, parle un peu plus fort, je t'entends mal. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup de réseau, c'est chiant. Ah ouais, mais t'inquiète, ça va aller à peu près, là. Allez, sois cochon, Alain. Ah, ma chérie, vas-y. Ah. Tu te branles là? Ouais, je me branle, là. J'ai un doigt, là, dans ma bananette. Oh, vas-y, ma chérie. Ah. Ah, c'est bon. Mais... Ah ouais, c'est bon. Mais Pamela? Pamela? Ah, oh, oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me caresser avec Alain. Et qui est cet Alain? C'est un ami. Mais il vient d'où? Il est du téléphone. Ça passe mal le téléphone. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes Alain, vous, donc? Oui. Mais vous la connaissez d'où, Pamela? C'est qui m'a appelé sur le réseau. T'as appelé Alain sur un réseau, toi? Ah ouais. Et Alain, il est chaud. T'es chaud, Alain? Non, très, très, très. Mais qu'est-ce que Alain, qu'est-ce que tu fais, Alain? Je me branle. Ah, tu te branles, d'accord. Alain? Oui. Tu voudrais pas sucer mon copain? Non, pas nous. Je sais pas, j'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Ah ouais, tu pourrais le sucer, ouais. Voilà, je peux prendre la place de 10 bulles. Non, non. Voilà, je peux prendre la place de 10 filles. Ah. Alain. Oui. Je te lèche les tétons, Alain. Vas-y, va. Ah. Et l'autre, il se fait ma femme au téléphone hein, pendant que moi, je suis là. Alain, je peux te lécher le sexe? Ah ouais. Ah oui. Ah. Ah, je te lèche les boules, Alain. Oh, vas-y, chérie. Vas-y, tords-les. Je les tords un peu. Tire fort. J'aime pas trop. Je te tire un peu dessus. Bien fort. J'aime. Tire-lui fort dessus. Un coup sec. Vas-y, tords-les. Fais comme tu me fais à moi. Tords-les et tire bien fort dessus. Et après écrasé dans tes mains. Ah oh ouais, je t'écrase un peu les boules. Ah, j'aime pas ça. Ah, mais je te lèche le gland alors. Ah, oh, si tu veux. Et je peux te lécher l'anus? Bien sûr. Ah, oh. Tu veux entendre mon anus? Oui, vas-y. Attends, je vais te faire écouter mon anus. Ah, oh, tu te branles, Alain? Ah ouais. Elle est bien dure? Oui. Je te présente mon anus. Ouais. Salut les filles. Bravo, c'est drôle. Oh. La participation de toute l'équipe. Là. J'ai envie que tu te masturbes très fort là et que tu te finisses vite. Ouais. Vas-y. Tiens, on a une copine qui vient d'arriver. Maryse. Oui, Maryse. Coucou les filles. Enfin, les filles. Merci Maryse. Salut Pam. L'hôtel est complètement bourré, hein, t'inquiète pas là. Ouais, je sors d'un dîner, voilà. Je suis ronde. Voilà, je suis ronde. Ah ouais, c'est vrai que t'as pris un peu là. Ouais, t'as vu? T'as pris ces derniers temps. Je suis excitée là, du coup. Ça te dérange pas là, si je lèche Maryse? Oh non. Oh Maryse. Je lève ma jupe. Ah bah dis donc, t'as des bons steaks ce soir. Bah ouais. Oh. Oh. Tu fais quoi, Alain? Devine. Hey, Jimmy, il y a le chien aussi, il y a le chien qui est là. Ah ouais. Il y a Mehmet qui vient d'arriver. Putain, mais c'est la folie ce soir, dis donc. Et on a Cédric, notre cochon. Oh, bonjour Cédric. Bonjour Mehmet. Ah, bonjour Cédric. Oh, c'est bon le. J'adore les cochons. Lèche-moi, Pam. Oh, mais toi, ça n'a jamais marre. Ah non, jamais assez. Hein. Tu préfères pas que je te gode? Vas-y. Avec la queue du cochon. Voilà. Oh. Alain. Oui. T'as fini? Alain. Allez, Alain, presque. Oh, vas-y. Allez, Alain. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Allez, Maryse. Allez, Alain. Oh. Oh. Oh. Allez, Alain. Oh. Allez, Alain. Oh. Allez. Allez, Alain. Oh. Vas-y, Alain. Mange-toi un peu. Bah, je vais te branler. Ah ouais. Bon, on va le laisser avec Patrick alors. Hein. Je te présenterai un ami à nous, il s'appelle Patrick, il adore branler. Hein. Saucisson de cheval. Le saucisson de cheval et pas que d'ailleurs. J'ai des godes. T'as des godes, Alain? Alain ne répond pas. On adore les godes. Tu parles des cris. Des bruits. T'en es où, Alain? Alain. Alain, on commence à te perdre là. Alain, on a perdu le réseau, Alain là. Ah. Mais t'as fini de te branler ou pas? Oui. Ah. Félicitations, Alain. Gros bisous, Alain. On t'embrasse. Bisous, à bientôt. Fares. Oui, l'équipe, je suis là. Tu es dans ton VTC. Exactement. Tel un syndic dans Paris. À la recherche de sa chérie. Absolument, ouais. Tel un Roméo, comme dans Roméo et Juliette. Ah, oui, toi, tu vas rejoindre pas Juliette, mais Monique. Monique. Wow. Monique qui aime la nique. Oui. Ah, bah, a priori, elle a l'air d'aimer ça, ouais. Mais elle veut quoi? Elle veut que tu la baises? Elle veut te sucer? Elle veut quoi? Non, la baiser, quoi. Honnêtement, j'ai pas les couilles de la baiser, mais elle va venir pour le délire. Vous allez l'entendre bien comme il faut, faire sa chienne. Elle va mouiller sur le siège. Fares, il en peut plus. Ah ouais, Fares. Fares, il se fait son film de cul dans la voiture. Depuis tout à l'heure, mais depuis hier, mec, tu t'es transformé, quoi. Ah, t'es ouais. Chaud bouillant, le mec. Ah, t'es sur la béquille depuis hier soir. Ah ouais, c'est clair. Et tant que t'as pas mis ton jogging. Et voilà, non, bravo. Non, elle méritait pas le jogging, quand même. Attends, j'allais pas... Pas de jogging. Donc t'es quoi? T'es en jean? Ouais, en jeans. En blue jeans. En blue jeans. Ah, c'est vrai qu'il faut parler comme elle. Hein. Ouais, en blue jeans. Moi, je m'adapte à mort. Je suis le caméléon. C'est bien, Fares. Et t'arrives dans combien de temps chez Monique? Bah, ça y est, j'y suis. Je vais l'attendre. Hein. Je suis à 2000. Donc, dès qu'elle arrive, tu nous fais signe. Garde le téléphone, n'éteins pas, gros. Tu la vois ou pas? Ouais, ouais. Non, je la vois pas encore. Tu la vois pas encore? Get. C'est pas elle arrive en nuisette comme hier. Je me dis merde. Dans non, la rue. Ce soir elle sort le déambulateur. Mais de toute façon, interdit, elle monte pas devant, elle monte derrière. Ah, tu la mets derrière. C'est sympa pour les clients d'après. Ouais. Ça, ouais, c'est bien. Tu verras ta plaque d'immatriculation qu'on ne te prenne pas. Ça sent la bite dans votre voiture, monsieur. Ça sent la vieille. Oh. Ce qui serait drôle, c'est que Monique ait une tub, quoi. Ah ouais. Ah, mais. Et qu'on découvre ça en direct. Ça serait magnifique. Ça serait l'apothéose. C'est le moment de l'année. C'est le moment de... Parce que franchement, c'est la une tub, elle me l'a mise. Elle me l'a mise bien comme il faut. Non, mais il y en a qui sont super bien faits. Hein. Ah non, mais ouais, il y en a qui cachent bien leur jeu. Hein. Mmh. Bon, ouais, mais je me. Enfin, ça commence à stresser là. Il est en panique. Ouais, je te jure. Non, mais à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes chirurgiens que maintenant, tu vois. Ah, maintenant, ils sont meilleurs, les chirurgiens. Ah oui, mais de toute façon, si elle a une tub, elle n'a pas besoin de chirurgien. Quoique, regarde les Bogdanov, ils sont meilleurs. Ah, il y a quand même des reins, c'est tout. Non, mais elle a des reins, ça s'est certifié après la tub, j'ai pas été vérifié. Mais. Oh, bah, Léa, c'est la prise des hormones. On va voir. Ouais, tu sais quoi, on va voir. J'ai hâte. Bon, moi aussi, j'ai hâte. Vivement qu'elle arrive. Elle arrive, là, elle t'a dit à quelle heure? Non, on s'est donné là, tout de suite, là, je viens de l'avoir au téléphone, j'étais avec... Elle descend de chez elle, elle vient te chercher. Oui, je descends. Exactement. Je suis dans la voiture. Et après, au fil, c'est dans la voiture. Bon. Elle arrive avec son déambulateur, tranquillement. Je te repasse, Samy, tu es prioritaire, tu reviens dans un instant, Fares, bouge pas. Entendu. Yo. Bon, Fares. Là, on est posé, il est avec elle. Ah, ils sont enceintes. Ouais. Je vais enlever le slip, je vais tout enlever. Si, attends, je l'enlève, t'inquiète pas. Donc on a Fares et notre granny Monique. Ah, je suis un grand tricheur, tu sais, Monique. Monique. Putain, c'est... Il y a ton petit chat. Dis-moi que tu as triché. Non, je ne sais pas tricher. Elle a triché parce qu'il, parce qu'il est pas venu avec son jogging. Ouais. Elle est pas contente. Ça. Bébé. Faire chier, quoi. Elle voulait un jogging. Ah ouais, non, mais bon, à un moment donné, elle se fasse niquer. Elle voulait niquer avec un jogging. Ah ouais, mais elle est si drôle. Elle, elle est fétichiste. Je sais pas la directrice dans la chaîne. Oh merde! Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On l'a entendu dans la chatute! Non, non, c'est pas la direction du Père Lachaise. Ah, j'ai compris, c'est parce pas la direction de ma chatte. Merde, merde, merde! Ah non, parce que là, on peut pas la voir. Bah si, tu peux la voir. Ah, mais moi, j'ai compris, mais non, mais pas direct dans la chatte. Ouais, moi aussi, j'ai compris ah, ça. Moi aussi. Pas direct ah, bah, dans la chatte. Non, mais peut-être, Fares, il est chaud bouillon. Ah, mais vous avez peut-être raison alors. Moi, j'ai compris, pas direction du Père Lachaise. Non, parce qu'ils sont pas vers là-bas en plus. Je sais où ils sont, c'est pas vers là-bas. Ouais, puis c'est un peu glauque. Samy, il va y aller après l'émission. Ah, donc c'est pas direct. Samy, en fait, c'est rencardé. C'est le troisième, il y va après. T'inquiète, là, il passe me prendre en fait. J'ai payé la course sur l'appli. En fait, il est en bas de la radio là. C'est bon pour Fares? Oui, oui, il en a rien à foutre. Oui, il en a. Donc là, ils sont partis en train de chercher un endroit pour baiser. Pour c'est, niquer, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais vous savez que moi, plus on entend Monique, plus j'ai l'impression que Monique a une bite. Ouais, salut, c'est Monique. Je vous le dis, hein. Je suis pas, un spécialiste. Monique a une grosse bite. Cédric. Ah oui. Ouais, une langue de bœuf. Toi qui as un petit spécialiste. Une langue de bœuf. Ah, ça parle de bite là. Une langue de bœuf. Monique, pour toi, c'est un homme ou une femme? Ah, je sais pas, je pense que c'est un mec. Quoi. Ah, tu t'y connais? Ah, je pense que je fais confiance à Cédric. Bon, ouais. Ou alors Cédric a tellement le nez que c'est, alors, c'est une femme. Ah, t'aimes ça, hein? Qu'est-ce qu'il lui fait? Ouais, il se caresse en conduisant en fait. Ah, fais attention sur la route quand même, hein. Merci, sécurité routière. Ouais. Merci, ça. C'est dit full futé qui vous laissait un petit message ce soir. J'ai chaud. Ah, j'ai chaud. J'ai chaud, bébé. Ah, fait chaud, bébé. Ouais, moi, c'est chaud. Voilà, j'ai chaud. Là, je suis chaud. Voilà, j'ai chaud, bébé. Ah, j'ai chaud. Moi, c'est chaud. Oh là là. Dans deux minutes, oh, Monique, ouais, Monique, elle va sortir sa bite. Oh, c'est chaud. Ou alors c'est une fumeuse. Oui, mais elle fume beaucoup. Ouais, mais elle a fumé plein de chitane. Ah ouais. Là, elle va fumer la pipe. Mais tu sais, Marie, quand elle se réveille, elle aura cette voix-là. Elle l'a déjà. Ça, il s'arrête, je crois. Ah. Ouais, là, je crois que ça aurait été. Ah. Ouais, je crois qu'ils ont redémarré. Voir ta chatte, il lui a dit. Il lui a dit que voir ta chatte. Eh, mais Fares, il est chaud de ouf. Ah, mais... Attention, on ne voit pas. On voit très avec un. Ah oui, on voit très avec un. Ah, je crois que t'avais des vitres. Non, enfin, rien, enfin. Les vitres, attends. C'est tardé, mais un tout petit peu. Mais on peut apercevoir, tu vois. C'est pour ça qu'il est. Ah ouais, c'est correct, c'était les vies teintées. Ah, avec les vies qui n'ont pas teinté. Ça, c'est drôle. Oui, c'est vrai. Ah, les vies, elles ne sont pas teintées. Là, il a dit sus. Et t'as pas mis de jogging. Sus. Ah, il a dit sus. Ouais. Ah, mais tiens, je l'ai connu, j'arrête de police. Ah oui, hein, sont chopés. Ah putain. Allô? Non. Ah non, putain. Non. Moi, quand je dis allô, il va pas répondre. Mais non, il va pas répondre. Ah non, ça risque pas. Fares, ah non. Ah. Tu dois avoir pris le taxi depuis? La cartouche. La pardon? Le taxi. Vous l'avez pas pris? Non. Non. Je sais. Ah putain. Ah. Mais ils font quoi là? Putain, c'est qu'ils s'étaient arrêtés. Mais non, mais je pense qu'ils roulent et par moments ça passe mal. Mais elle suce. Ouais, roulant. Sans doute. Ouais. Bah, je pense, hein. Bah, a priori. Hein. Ouais, il est tellement chaud de toute façon que. Oh, lui, il est prêt à tout. Je pense que. Il est sans limite. On n'entend plus. Bah, ouais, j'y suis pour rien. Ah, c'est beau cette histoire d'amour qui se noue en direct. Ah, c'est magnifique. Cédric, t'es jaloux. Je sens que t'es jaloux sur ton visage. Ah, non, du tout. Oh, t'es malade. Non, non, c'est bon, ça va. Ah, ouais, ça va. Non, je te jure, ça va aller tranquille. Oh, j'ai la gaule. Fais tourner, Fares. Et moi, je mettrais presque un billet sur le fait que Monique, c'est un travesti. C'est vrai qu'elle a une voix quand même. Ouais, putain, elle a une voix dégueu quoi. Je mettrai un petit billet ou alors comme disait Karim, c'est une grosse grosse fumeuse. Ah, 100 centimes du tunnel. Très bien. Je sais pas où on est. Moi comme un con, j'allais encore dire allô mais il ne répondra pas. Ah bah non. Allez, je Ah, il se garde. Ça c'est

Hein, c'est une chatte de vieille, gros. Elle a 70 ans. Ta chatte, elle a vécu, gros. Elle a eu des gosses, elle a reçu. Elle a vécu, elle a dit. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Elle a vécu. Ah, mais elle t'a mis. Elle t'a sucé un peu, ouais. T'as les bras, ou. Non, elle a pas touché ma bite, gros. Elle a pas touché ma bite. Oh, t'es sûr que c'est pas un bonhomme, elle avait pas une bite entre les jambes. Non, elle avait une chatte certifiée. Une chatte, une paire de reins, certifiée. Eh, t'es un bon, Ah oui. Eh, gros, y'a que ça qui m'inquiétait, la vérité. Ouais, genre, en plus, y'a commencé à me faire petit quoi, parce qu'il y a que ça parlait de queumé et tout. J'ai dit, waouh, c'est qu'elle est montée, je peux voir ta chatte. Eh, il est bon, Farès. Franchement, voilà, c'était le grand. Non, mais bravo, c'est de belles aventures. Ah, ouais, c'est un sympa, bon Farès. Tu reviens quand tu veux, Farès. La suite des aventures. Ah ouais. Et puis, si vous arrivez des trucs comme ça, et on les vit en direct avec vous tous les soirs en direct dans la radio libre. Profitez-en, c'est Skyrock, c'est du real. Salut l'équipe, ça va bien, Grégory. Fais du sport. Tu fais du sport, toi aussi. Parce qu'hier, on a eu une auditrice, elle était dans la salle de sport. Moi aussi. Ah, mais là, je suis dans la mienne, là, chez moi. Ah, d'accord. Toi, t'as une salle de sport personnelle, le luxe. Ouais, mais le luxe, tu vas voir pourquoi. Alors, dis-nous. Ouais, bah voilà, je vous appelle parce que voilà, j'ai entendu l'histoire du mec d'avant, là. Et moi, j'ai un truc, c'est qu'au mois de septembre, j'ai gagné 500 000 euros au cash. Hein? T'as gagné 500 000 euros. Enfoiré. J'ai gagné 500 000 euros cash. C'est quoi cash? Le jeu à gratter? Oh putain. Voilà, tu peux gagner. Tu peux gagner de 5 à 500 000. Moi, j'ai gagné les 500 000. Ah, t'es refait. Qui c'est qui a dit mais salopard? T'avais... J'ai entendu une insulte dans l'émission. Ouais, salopard. Je rajoutais même enculé. Oh, putain, enfoiré. Putain, mais 500 000. Ah ouais, putain, tu t'es gavé, putain, salopard. Mais c'est trop heureux. C'était en un an. Sur les 500 000. Attends, j'ai pas entendu. Tu as dit quoi? Ça me fait kiffer, hein. Ah ouais, ça me fait kiffer. Ah ouais, je suis jaloux, ouais. Ne t'étonne pas si un jour tu me trouves en train de dormir devant ta porte. Dis-toi, Romano. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai dit j'étais une pinte comme toi. Ah non, bah 500 000 euros, ouais. J'ai gagné 500 000 euros. Mais t'as acheté quoi, par exemple, avec ces 500 000 euros? J'étais en train de faire construire ma maison. J'ai gagné les 500 000 euros. Et une semaine après, j'avais quitté ma maison. Ah bah oui. Bah c'est normal, gros, t'as 500 000. Bah t'as 500 000, ça s'achète plus vite et facile. Non, j'avais déjà de l'argent suite à un accident que j'avais eu quand j'étais jeune. Ah oui, t'avais déjà prévu d'acheter ta maison et une semaine avant d'avoir la maison, t'as 500 000 euros, c'est la folie. J'étais en train de faire construire et une semaine après, j'avais les clés chez moi une fois que j'ai gagné. Comment tu serais, Romano, si t'étais comme Grégory, tu grattes un petit cash et là tu vois 500 000 euros, un 5, un 0, un autre 0 et 3 0 derrière. Ah, déjà, si je gratte dans le bureau de tabac, il faut que je m'assoie. Tu sais, le mec, je lui dis, file-moi une chaise. Je suis tombé partout. Hein. T'as gratté où, toi? T'as gratté au bureau de tabac ou t'as attendu un peu? Non, bah, j'étais dehors parce que j'étais avec mon père Lulu. Je le remercie, super sœur. Hein? C'est grâce à lui, quoi. On faisait un coup de foire à tout et on commençait à partir. Et lui, il a vu un bar, il a dit, allez, venez, on paye un coup. Ah putain, j'aurais été dégoûté de te payer un truc et que ce soit toi qui gagne. Moi, je voulais te demander 500 000 euros. T'as eu combien de bons numéros dans le cash? J'en ai eu qu'un. Un seul direct 500 000? Ouais, mais tu peux. Tu sais qu'il y a un seul ticket gagnant à 500 000 euros. Il y en a qui ont de la chance. 500 000 euros. Putain, il a trop de chance, l'auditeur, on nous dit là sur SMS. C'est Annick qui tenait ce message. Salut à toi, Annick. En plus, ça me dégoûte parce que je sais que j'en ai acheté un carriole il y a pas longtemps. Elle n'a pas été foutue de gagner. Alors, vraiment, c'est. Je lui ai pourri la gueule. T'aurais mieux fait de te mettre en ménage avec Grégory. Ah non, mais c'est clair. Moi, j'ai pris 500 balles max au cash. Je pars Pamela. Ah bah, y a pas de problème, je suis là. Je suis prêt à partir, j'ai préparé mon baluchon. Pour 500 000 euros, Romano passe sa vie en Pamela. Ah ouais, c'est clair. Hey, 500 000 euros, c'est la folie. Trop de chance. Génial. Regardez les messages. Il y en a pas qui sont jaloux là. Filme-moi un peu, je galère pour partir en vacances. Le message de Kenza. Là, il y a Phil 10, il y a Phil 10, il te demande, t'en as filé à tes parents? Bah oui, c'est ça, c'est pour ça que je vous appelais, quoi. Vas-y, tu peux pas te mettre dans un endroit où t'entends mieux avec ton téléphone. Ouais, parce qu'avec 500 000 euros, tu pourrais quand même investir dans un bon téléphone. Ah ouais. C'est dans ma salle de sport, c'est normal. Ah oui, c'est vrai. Excuse-nous, monsieur le blindé. Ouais, maintenant, il a sa salle de sport personnelle à 500 000 euros. Attendez, je vais peut-être essayer, je vais aller dans ma piscine, on va voir. Dans ma salle de sport. Elle est pas encore arrivée, la mienne. Non, va dans le jacuzzi. Ah, elle est pas encore arrivée. Et pourquoi t'appelles pour les embrouilles? Parce que t'as gagné. Ah là, je vous appelais parce que voilà, J'ai gagné au mois de septembre. Et t'as vu, au début, je voulais pas le dire parce que je savais que ça allait faire des jaloux. Mmh. Ah, ça fait après, toujours des histoires, dit, ces trucs. Et après, je l'ai dit parce que je savais que ça allait mettre la rage, tu vois. Parce que tout le monde me mettait à part et tout, et ça m'a saoulé. Et tu l'avais dit à personne? Et je l'avais dit à personne. Ni à ta mère, ni à ton père, ni à ta meuf, ni à personne. Bah voilà, mais après je l'aurais dit. Et après, je leur ai dit. Mmh. Et ce que j'ai fait, j'ai 5 frères et sœurs. Je leur ai donné 10 000 euros chacun. Putain, et j'ai donné 20 000 euros à mes parents. Bah, tu dis t'es une pince. Romano, tu gagnes 500 000 euros. Combien tu donnes à l'ensemble de l'équipe? 10 000 euros chacun? Pardon? Attends, je reprends mes esprits. 10 000 euros? Alors, je repose la question parce que j'ai l'impression que tu n'as pas compris. Ça tu gagnes 500 000 euros. Est-ce que tu fais comme Grégory qui a filé 10 000 euros à ses sœurs? On est un peu comme si on était tes sœurs et tes frères. Ouais, c'est vrai que c'est ma sœur. C'est ouais, ta sœur, très bien. Franchement, pour un peu plus de 10 000, ouais, je vais. Est-ce que tu donnerais 10 000 euros à tout le monde comme ça? Je préférerais répondre en dernier. Mais il y a 4 ans que j'ai dernier, c'est non, mais je suis non, mais vas-y, Marie, par exemple, tu. Ah ouais, moi je donnerais, ouais, même un peu plus. Moi je trouve ça bidon. Je donne un million chacun. Non, t'organises un truc, tu donnes pas de l'argent. Non, moi, franchement, attends, j'ai ouais, franchement, oui. Moi je donnerais pas, moi je te dis la vérité. Moi j'organise un truc, tu vois, par exemple, j'organise un, tu sais, je sais pas, genre une semaine de vacances ou un week-end de ouf. T'es un enculé, c'est toute la radio ou quoi. Ah non, mais je fais, mais moi je donne. Ouais, mais c'est, tu vas pas faire genre le mendiant de donner comme ça de l'argent, tu vois. Ah bah écoute, moi ça me dérangerait pas que tu m'en donnes. Non, mais oui, je sais, mais. Ah, plutôt qu'une semaine de vacances, je sais pas où. Ouais, mais tu sais, choisir un truc, pourquoi donner à un tel, pas un tel, pourquoi lui tant et l'autre pas tant. Non, mais t'as qu'une sœur, t'es comme moi. Non, à ma sœur, à mes parents, bien sûr, mais après à mes potes, moi je donne pas d'argent, tu vois. Ah bah moi je suis content déjà d'être fils unique. Déjà, je paye des coûts, genre. Il donne à ses sœurs et à ses frères. Ouais. Uniquement. Non, mes parents, bien sûr, que je leur filerai, tu vois, je leur achète ce qu'ils veulent ici. Ouais, voilà. Je leur paye une baraque ou je sais pas, un appart où ils veulent. Ou, voilà. Et pourquoi il y a eu des embrouilles alors? Ouais. Bah voilà, tu vois. Parce qu'ils ont considéré que t'avais pas donné assez, non? Ouais. Voilà, j'ai donné 20 000 euros à mes parents. Tu vois, c'est énorme quand même, 20 000 euros. C'est bien, oui. Et, elle m'a dit comme ça que c'était des miettes. Oui, des tu miettes. Me donnes des miettes, je veux plus. J'ai écouté Romano sur Skyrock, ah ouais, voilà. Lui, il a des c'est qui a dit ça? Tes parents ou tes frères sa et sœurs? Ouais. Non, non, c'est ma mère. Il n'y a qu'elle, elle attire par l'argent, il n'y a que elle. Et mes frères et sœurs, je les ai mis bien, quoi, tu vois. Ma petite sœur, elle était en train de faire acheter son appartement, elle a pu. Ouais, voilà. Elle a sorti de la merde et tout, mon frère, pareil. C'est dingue, un bonheur, 500 000 euros. Non, mais je comprends tout à fait. Ça aboutit à une prise de tête dans la famille. Non, mais c'est pas étonnant, hein, tu sais, des histoires comme toi, il y en a plein. Hein. Il y a eu des histoires, tu sais, il y avait eu des reportages. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas le dire, tu vois. Non mais normal, tu sais, il y a eu des gagnants par exemple du loto qui avaient gagné des grosses sommes et ils avaient lâché tu sais des bonnes sommes à la famille. Mais en fait, la famille considère tu sais que c'est jamais quoi bon, pas dans toutes les familles, c'est jamais assez. Mais il y en a qui considèrent que c'est jamais assez parce que tu vois pour eux ils se disent attends le mec il a gagné 500 000 euros. Genre, il nous file 20 000 balles. Au final, voilà. C'est vrai qu'au rapport, c'est pas beaucoup, mais c'est 5% déjà. Oui, mais à la base, t'es pas, même pas obligé d'en donner, en soi. C'est clair. Non, mais le truc qu'il faut faire comprendre, et je pense qu'ils peuvent comprendre ça, tes parents, ta mère, peut-être, mais tu peux leur faire comprendre que pour t'as 500 000 euros, tu leur as donné ça, mais s'ils ont besoin de quelque chose, t'es là, non? Bah, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Attends, un mois ou deux mois plus tard, elle m'a demandé de prêter 5 000 euros, j'y ai prêté. Mais après, j'ai dit, voilà, stop, je peux plus, j'ai ma maison à remplir et tout, voilà quoi. C'est dingue que des problèmes d'argent nuisent à l'amour, alors que ce soit l'amour avec une meuf ou alors l'amour familial, c'est triste, hein, Romano. J'espère que tu ne gagneras jamais 500 000 euros, j'aurais peur que ça nuise à notre amitié. Ça me... Non, mais tu vois, la solution. Je préfère les gagner moi, comme ça, je gérerais les histoires beaucoup mieux. Non, mais franchement, je gagne 500 000 euros, tu vois, pour notre paix à tous, oui. Je vous le dis pas. Le chiffre, faut nous le dire. Non, mais bah, on se dit tout en général. Non mais non, parce que ça va faire... Non mais tu vois, moi, vu l'histoire de Greg, je préfère rien vous dire. D'accord, Romano. Moi, je ferai des enquêtes, je saurais. Genre, ça l'arrange, tu non mais sur ta gueule. De toute façon, ouais, je pense que ça se verrait. Ouais. Bah, j'arriverai, je serais comme un ouf. Le mec sauterait, tu sais, comme un kangourou. Et un euro million, je t'en parle même pas. Ah ouais. Tu sais, je pense que pendant 3 heures, je suis... Ah, mais t'as dû faire une fête, toi, quand tu l'as su. Laisse tomber. Ah, j'ai sauté de partout. Ah bah, tiens, c'est pas étonnant, ouais. Ça c'est fou. Ma femme a signé à pleurer. Je savais même pas pourquoi je sautais de partout. Oui, mon mec est fou. Regardez, il est devenu fou, mon mec. Mec, c'est devenu un kangourou, le mec. Il saute dans tous les sens. Oh, bah, tu m'étonnes. Bon, bah, profite bien. Donc, bonne maison. T'as prévu d'autres petits plaisirs avec, j'imagine, avec 500 000 euros, on peut s'en faire, hein, ouais. Quelques-uns. Ah, bah, on est parti en Guadeloupe avec ma femme. Ouais, faut voyager, faut s'éclater. Bah, l'année prochaine, on prévoit de partir en Australie. Bah ouais, comme ça tu pourras sauter, tu trouveras pas ça normal du tout. Oh, enfin, comme les kangourous, Bon, bah écoute Greg, merci à toi. Mais j'avais juste une dernière question. Est-ce que t'as des gens que t'avais pas vu depuis des années, genre qui ont su que t'avais gagné? Alors, comment vas-tu? On peut parler, il y en a beaucoup qui m'ont sucé. Oh, tu m'as manqué, vraiment, je t'ai cherché partout, je te cherche. Oh là là, je te retrouve au moment où tu viens de gagner 500 000 euros, c'est pas mal. Ah, mais moi ça m'étonne pas. C'est quand même la merde le frère.

soir de 21h à minuit. What the fuck? Difoulé sur Skyrock. Le réveil de star. Une star. Un appel. On écoute. Le voici, le voilà. Bernard de la Villardière lui-même. Bernard qui est quand même très très drôle, il fait de très bonnes blagues. Je vous en fais une. Allez, vas-y Bernard de la Villardière d'M6. Deux spermatozoïdes en route après une éjaculation. Oui. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a qui dit à l'autre, bon, on est bientôt arrivé aux ovaires, et l'autre lui dit, non, mais sois patient, on en est aux amygdales. Ah ouais. Il faut bien que tu fasses journaliste. Et la blague est pas mal, le problème, il la raconte très bien. Oui, bah, il est mieux dans la télé. Quand il visite le monde entier. On a réveillé Isabelle Ray. Laurent, on a réveillé Laurent avec la raie de Bernard de la Villardière et avec sa voix aussi. Ah, il a une grande raie, hein, Bernard. Oui, le voici. C'est comme Cédric. Putain, Cédric a une raie, mais qui vache qu'au milieu du dos. C'est impressionnant. Allez, c'est parti chez Laurent. Allez. Laurent et Bernard de la Villardière. Allez, c'est parti. Rencontre en direct sur Skyrock, attention. Alors. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez un charme incroyable. C'est de la part de qui ? Bernard. C'est Bernard. Bernard, comment ? Journaliste à M6. C'est celui qui fait les reportages. M6. M6, madame. Quoi, M6 ? Vous êtes M6 ? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. T'as tiré de dire la bonne réponse. Non, ça c'est la radio, ça. C'est trompé, ça. C'est M6, oui. Oui, allô ? Laurent, oui, tu savais qu'il y avait des codes barres sur les préservatifs ? C'est quand même bizarre, vous savez mon prénom ? Tu l'as pas déroulé assez fort ? Oui. Ouais, gagné ! Non ! C'est formidable. Vous avez gagné 2 500 €, c'est ça ? Non. Bon. Non, mais allez, vous êtes qui, là ? Parce que, enfin, on est un peu de la gendarmerie, donc on rigole pas trop. Un peu. Les ateliers clandestins, voilà, le travail au noir, le trafic de drogue. Vous êtes quoi, capitaine ? Absolument. Ah, ok. Deux spermatozoïdes en route après une éjaculation. Non, mais on délire là, non ? Il y en a qui dit à l'autre, bon, on est bientôt arrivé aux ovaires, et l'autre lui dit, non, mais sois patient, on en est aux amygdales. Non, mais Alain, il fait mort de rire. Je la connais pas, votre blague, là. Je suis déçu. Je suis blonde, hein, désolée. Ah, ouais, c'est plutôt bas de gamme, à mon avis, un peu vulgaire. Vous avez pas une blague sur les blondes ? Non, pas du tout. Ah, non, bah, ça va. Et quand elles ont la vulve très développée, comme non, ça, ça veut dire quoi ? Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Oui, je sais que t'as fait le tour des putes de la planète. Et Bernard, il se lâche complètement. Et Bernard, c'est un chou. Il était super, ce coup de fil. Bernard de la Villardière. Et qui était persuadé que c'était un jeu. Oui, c'est le jeu des 2 500 €. Non, nous, c'est 1 500 €. Ah, j'ai cru qu'elle allait nous reconnaître un petit peu après. Mais Bernard de la Villardière est très fort. Il arrive masqué. C'est un grand journaliste. Ah, bravo, Bernard. Et ben, Bernard, félicitations. Comment tu as trouvé le petit coup de fil chez Laurent ? C'est formidable. Formidable. Mais oui, c'était formidable. Absolument. Tous les soirs de 21h à minuit. What the fuck ? Difoulé sur Skyrock. Difoulé sur Skyrock et Prisca jusqu'après, entre minuit et 3h du son sur Skyrock. Ce sera rap R&B non-stop. À retrouver juste après la roulette avec à l'intérieur le concert exclusif, le spectacle du Whoop. Skyrock et Sam t'offrent le spectacle du Whoop en exclu. Et on file du côté du Morbihan avec Mathilde et son copain qui sont dans la maison des grands-parents qui ne sont pas là. Ça va bien ? Ça va. Le couple à l'écoute de la radio libre de Difool sur Skyrock avec vos places pour le Whoop, peut-être à la clé de la roulette. C'est parti, on fait tourner. Un gros stop quand vous voulez, les amoureux. Bon, moi, ce que je peux dire en cause de grâce, c'est que ton copain il stoppe plus fort que toi. Ouais. Alors, sur quoi ça tombe ? On vérifie tout ça maintenant. Whoop Gang, c'est gagné 2 places pour vous deux. Ah, oh, super, génial, c'est génial. Bon, ça claque ? Ouais, génial, super. C'est gagné pour vous deux, vous serez à Paris au concert, au spectacle exclusif des comiques, des youtubeurs. Le Whoop, c'est Mister V et toute son équipe. C'est gagné 2 places pour vous. Merci beaucoup. Bon, bah ça marche. Bonne soirée. Salut Mathilde, raccroche pas, on prend tes coordonnées tout de suite. Ah d'accord. Bah oui, sinon on peut pas t'envoyer les places. Oui, c'est vrai. Allez, à tout de suite, bouge pas Mathilde. Le son de Skyrock, c'est parti maintenant. Rap R&B non-stop, retour de la plus grande radio libre de France. Ce sera demain à partir de 21h. Moi perso, je reviens demain à partir de 9h du matin. Et là, je vous laisse avec le son de Designer et Panda et Prisca, retrouvé juste après sur Skyrock. Rap R&B non-stop toute la nuit.